Indestar présente l'émission à la maison. Jusqu'à 23h, sujet, débat, jeu. On passe la soirée ensemble sur Indestar. Tout le monde s'éclate. Radio pirate. Tout le monde s'éclate. Oh, le jingle pour commencer cette émission qui est bonne. Radio Pirate sur Indestar, c'est un petit peu ce que nous allons faire ce soir. Alors d'une parce que nous prenons l'antenne comme ça, mais bon, c'est désormais une habitude, hein, le lundi et le vendredi à partir de 21h, vous avez rendez-vous avec vos émissions à la maison sur Indestar en mode confiné. On est chacun chez nous. Il y a Teddy, Jolan, Linda, Laura, Virginie et Martin ce soir. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, yeah. Ça va être douce. Et vous avez compris que le thème de l'émission de ce soir, eh bien, ça va parler de pirates, de corsaires, de plein de choses du genre. D'ailleurs, pour commencer, Linda, quelle est la différence entre un corsaire et un pirate? Alors, un pirate, c'est alors la loi qui s'attaque à tous les navires, marchands ou militaires, sans distinction de nationalité ou de cargaison. Alors que le corsaire, lui, il est attaché au roi, en fait. C'est lui. Il a le droit de piller le corsaire, en fait, c'est ça. Ah, mais c'est un politicien, en fait, le corsaire. Oh, pardon. Mais oui, tout à fait. Il attribue des valeurs à chacun. C'est tout à fait ça. Non, mais les pirates sont apparus avant les corsaires. De quoi? Est-ce que les pirates sont... vas-y. Il y a un tout blond. Non, vas-y, Martin, je t'en prie. Mais Martin, il disait flinguez-moi ma chronique. Ouais. Ah mince, désolé, Martin. Non, mais bah, du coup, je te poserai la question tout à l'heure, Martin. Alors. D'accord. Bon, en tous les cas, on est tous là donc par les voies d'Internet, la magie d'Internet, hein, pour faire cette émission. Les flux. Les quoi? Les flux. Les flux, ouais, qui fonctionnent plus ou moins bien. Alors, Virginie nous disait tout à l'heure que chez elle, c'était pas terrible ce soir. Bon, pour l'instant, on te reçoit 5 sur combien, Virginie? À 5 sur 5. Ça va bien, ça va. À 5 sur 5, voyons, qu'est-ce que tu racontes voyons. C'était logique. La question était plutôt combien sur 5 plutôt que 5 sur combien. C'est pas grave. Yann, t'es pas précis aussi dans tes questions. Moi, je réponds naturellement. Donc, vous l'avez compris, le thème de ce soir, j'ai envie de commencer cette émission par vous demander tout autre chose. C'est comment s'est passée votre semaine? Alors, j'imagine semaine confinée. Mais qu'est-ce que vous avez fait comme activité? Je pense qu'on aura l'occasion de faire une spéciale pour décrire nos activités puis en parler plus profondément. Mais si je prends Teddy par exemple, qu'est-ce qui t'a motivé cette semaine? Alors, il y a un problème dans ta phrase. Motivé. Je prends Teddy, non, c'est un peu gênant. Mais non, qu'est-ce que t'as fait à part dormir, Teddy, cette semaine? Alors, j'ai fini un de mes jeux et j'ai commencé un nouveau. J'ai fini le jeu The Outer World. Un super jeu, ouais. Qui est un peu une suite de Fallout, enfin une suite, rien à voir, mais c'est à peu près dans le même état d'esprit. Puis je viens de commencer un jeu qui s'appelle Ori. C'est très sympathique, c'est un petit renard fluo qui gambade en 2D, c'est cool. D'accord, très bien. Donc jeu à l'ancienne ou c'est quoi, une réédition? Ah non, c'est un jeu récent, mais il joue en 2D. Mais les graphismes sont super beaux, franchement je vous le conseille si vous avez un peu de nostalgie, que vous avez envie de jouer en 2D, n'hésitez pas. Sur quelle console ça? Alors moi je l'ai sur Xbox. C'est quoi le jeu, j'ai pas entendu? Je l'ai sur Xbox One et je sais pas s'il est sur PS. Ouais, il doit être sur PC déjà, ça c'est sûr. Et sur PS, je pense. Rappelle-nous le nom du jeu, Teddy. Ori. Ori. Oh, d'accord. Après, il y a toute une suite en anglais, mais je connais pas le reste. Vous tapez Ori, vous trouverez. Ouais, et si vous tapez Gami, c'est son nom de famille. Il vous en fait un petit montage papier. Est-ce que c'est une blague pragmatique ou pas? Ah ouais, mais vous avez du jeu de mots quand même, ça c'est Tu veux une blague pragmatique? On en aura de la blague pragmatique avec toi, Laura, ce soir. Et d'ailleurs, on rappellera le concept. Et Laura, toi, cette semaine, qu'est-ce qui t'a motivé? Moi, j'ai pas une seule chose qui m'a motivée. En fait, je me sens bien pendant ce confinement. Les journées passent vite. Je fais du yoga, du sport, de la cuisine. J'écris une fiction aussi. C'est vrai? Waouh! Ouais. Fiction. Depuis le quoi? Enfin, du coup, en fait, tout à l'heure, je me faisais la réflexion. En fait, j'écris une fiction, mais j'arrive pas à le résumer. Donc, je vais faire au mieux. C'est une histoire que j'ai écrite à partir d'un dessin qui était dans une assiette. Et il y a une histoire de sorcière qui n'en est pas vraiment une. Il y a des secrets de village. Voilà. Ouais, dans l'assiette, est-ce qu'il y aurait une référence à Harry Potter avec les tasses? Pas du tout. Non, moi, ce que j'étais en train de me demander, c'est qu'est-ce que t'as fumé? Mais en fait, c'est que tu fais jamais la vaisselle. Tu vois des formes bizarres dans tes assiettes. Qu'est-ce qui se passe? C'est la forme de la soupe, en fait. Ça a fait une sorcière. Non, non, non, c'est vraiment les assiettes un peu à l'ancienne, en fait, où il y a des dessins vraiment sur la vaisselle, quoi. Oui. Et du coup, ouais, c'était, pour la petite anecdote, c'était il y a 2 ans maintenant avec une amie en Angleterre. On était en train de prendre le petit déjeuner, normal. Moi, j'étais en train de prendre mon petit porridge dans mon assiette. Et puis, en fait, au fond de l'assiette, il y avait un dessin d'un village et tout ça. Et puis, on a commencé à délirer, à s'inventer une histoire. Ah ouais, le bonhomme, là, il fait ci. Et puis, le gamin, il fait ça. Et puis, la femme, elle fait ça. Et au final, on a inventé une vraie histoire, quoi. C'est ça qui est assez marrant. Donc là, vous voyez que Laura a une énergie, une inventivité débordante. Hein. Sans drogue, sans alcool. Oui, non, mais clairement, il y a pas. Il y a pas besoin de ça. Non, bah, c'est mon porridge du matin qui me donne de l'énergie. Voilà. Et un accent du sud aussi. Jolan, est-ce que t'es aussi inventif que Laura? Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Alors inventif, je sais pas, et productif encore moins. cette semaine, je t'avoue que c'était couché 6h du matin, levé 2h, quoi. C'est un peu bon. Pourquoi coucher à 6h du matin? Qu'est-ce que tu fais? Alors, je fais un jeu en ce moment, enfin, je joue à un jeu qui s'appelle Phasmophobia. Ouais. Et c'est un jeu qui fait très peur, donc t'as envie de savoir. En fait, il faut, si tu veux, le but de ce jeu, c'est tu es chasseur de fantômes. Ouais. Et tu peux jouer jusqu'à 4, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et tu dois prouver des effets paranormaux dans les maisons. Tu dois les prouver et tu dois trouver le type de fantôme à ce que tu as à faire. Donc, c'est assez prenant et ça fait très peur et c'est très marrant. Voilà. Et donc, le fait de jouer la nuit renforce, cette ambiance de terreur et de suspense un peu. D'accord, très bien. Voilà. Linda, tes journées, elles sont rythmées comment? Alors moi, c'était génial cette semaine puisque ma moitié était en vacances. Donc du coup, j'ai profité. Ah, moitié, oui. Ah, c'était pénible, du coup. Parce que Linda, c'est une demi-personne, sinon. Voilà. Je sais pas. Ah, fallait qu'il la place. Bah, il a tout fait et moi, j'étais en mode vacances. Voilà. Okay. Donc ça veut dire je déconne. Non, mais j'ai un peu plus joué au jeu sur PC et tout ça, que je faisais pas d'habitude, donc j'ai profité. Ouais. T'as retrouvé quel jeu par exemple sur Eh bien écoute, j'ai commencé un nouveau jeu qui s'appelle The House of Da Vinci et en fait c'est de Léonard. La maison. La maison. The House, d'accord, la maison de Léonard. Ouais. Désolé, j'ai toujours autant un anglais de. Non, mais c'est par Discord, c'est pour ça. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est super sympa, tu dois faire plein de recherches, réfléchir à plein d'engrenages, tout ça, c'est super. Voilà. D'accord, c'est un jeu de logique quoi. Oui, c'est ça. Virginie? Alors moi, je n'ai pas vu la semaine passée parce qu'elle était rythmée par le télétravail. Donc en fait, je télétravaille depuis la maison. Mm-hmm. Et que te dire que c'est plus sympa, effectivement, c'est plus confort. Mais on a quand même tendance à travailler 2 fois plus. Oui, et pas forcément garder les horaires, ouais, pas faire de pause, etc. etc. Ouais, et donc... on va travailler même le 11 novembre, là, jeudi. J'ai fait de la mousse au chocolat le 11 novembre. D'accord. Oui, en hommage aux soldats qui, dans les tranchées, faisaient des mousses au chocolat. Non, les soldats qui se faisaient écrabouiller comme une mousse au chocolat. Oh là là. Oh, excellent. Toujours dans l'exagération, toi. Hein. Non, moi, je suis pour celle-là. Martin, tu fais quoi ta semaine? Moi, du coup, en fait, vous m'entendez? Oui, on t'entend vraiment pas. Très bien. Tu es un peu loin de ton micro. Là, on t'entend moins, ouais. Ok, là je suis là. Martin, là il est là. Moi du coup je suis pas du tout confiné en fait parce que je travaille, je fais de la livraison. Ah ouais, donc là t'es surpassé sur le terrain quoi. Je vous apporte tous vos petits colis, auditeurs d'Indestar. Oui, mais non mais c'est vrai, en vrai, alors on le fait tout au long de l'année. Hein. Livraison de quoi, nourriture ou autre? Non, colis de tout genre, style tout ce que tu veux, des livres, des... D'accord. Tout ce qu'on achète pendant le confinement. Colis Amazon, UPS, tu vois. Tu dois pas manquer de boulot du coup en ce moment. Tu travailles pour une grande enseigne avec un petit logo jaune ou c'est privé? Ouais, enfin d'accord. C'est un sous-traitant du petit logo jaune. D'accord. Okay. Pour des camions de merde avec des pneus blisses. Oh là là. Les aventures. Tu t'es fait arrêter parce que t'avais les pneus lisses sur ton camion, mais t'y peux rien, on est d'accord. Bah ouais, ouais. Non, mais ça, c'est l'entreprise qui gère, en vrai, normalement. Ah, mais oui, il voulait pas que je reparte avec, en fait. Non, ouais, parce que vraiment, les pneus, j'avais jamais vu ça non plus. Ils étaient lisses de chez lisses. Ah ouais, mais c'est-à-dire que ta société, en fait, comme tu ça... Tu roules sur des merguez, en gros, quoi. Ah ouais, c'est ça, clairement. Ouais. Mmh. Ah non, mais ouais. La sécurité de ses livreurs avant tout. Pour ça, on dira pas de nom. C'est ça. Ok, bon, on a chacun passé une semaine très différente, hein, confiné pour certains, moins pour d'autres. Si vous êtes confiné parce que vous télétravaillez ou que vous n'avez pas de travail en ce moment, ou je ne sais pour quelle raison, en tous les cas. D'ailleurs, à ce propos, toi, t'as fait quoi au maximum. Ouais, t'es dit. Toi, t'as fait quoi d'ailleurs? Parce que tu parles à tout le monde, mais toi, tu me dis ce que t'as fait. C'est vrai que, bah oui, non, alors moi, j'ai télétravaillé une partie de la semaine et là, depuis mercredi, je suis en congé parce que j'avais pris le pont du 11 novembre. Oh. Voilà, donc ça va. Ouais, là, ça m'a fait un peu de repos. Là, c'était plutôt sympa. Ouais. T'as repeint un couloir cette fois? Non, j'ai pas repeint mon couloir cette semaine. Là, je fais des petits travaux dans ma maison. À chaque fois que je me dis, hop, il y a confinement, hop, il y a travaux à la maison. Voilà, ça occupe. Mais j'avais de quoi m'occuper, hein, très clairement. Et en télétravail, je rejoins Virginie sur le fait que mardi, je donnais un gros coup de bourre parce que fallait que je termine le travail de la semaine et que j'ai travaillé deux fois plus que j'aurais dû faire. Mais bon, c'était plutôt des travaux agréables, entre guillemets. Ouais. Donc, non, on était plus dans du montage vidéo. Alors, un peu prise de tête en vrai, mais j'étais content du résultat. C'est le genre de travail où tu termines et t'es content de ton truc, donc c'est plutôt cool. Je pensais à ça d'ailleurs, pour ceux qui font du télétravail, moi je suis pas concerné, mais je prends l'exemple par exemple de mon père qui pendant un moment a fait du télétravail et il trouvait ça chiant de le faire à la maison, il préférait autant directement aller où. Il y a des avantages et des inconvénients, hein, l'avantage en fait, de la maison. En fait, déjà qu'il a du, en fait, si tu veux, il a du mal à dissocier la vie familiale et du travail. Oui. Et que en plus tu travailles à la maison, ça doit être. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'effectivement tu peux, on parle des horaires et puis même au niveau du lieu, c'est un petit peu comme si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez votre lieu de travail ou votre atelier à la maison. Des fois on a tendance, surtout quand on lance l'entreprise, que c'est une petite boîte et qu'on est tout seul à bosser, de se dire tiens j'ai mon atelier qui est dans le garage, donc après manger le soir, je vais aller travailler et puis à minuit on se couche parce qu'on n'a pas vu le temps passer. Donc c'est pas forcément évident de dissocier la vie professionnelle de la vie personnelle et ça refait un petit peu le même cas dans le télétravail. Ouais. Après on a des avantages aussi, hein, c'est-à-dire que des fois on peut moduler un petit peu ses horaires, on peut bosser en pyjama si on a envie. Enfin bon voilà, il y a certains avantages quoi. Tu peux faire des réunions en caleçon quoi. Alors tu peux du moment que le haut et puis que tu ne te lèves pas pendant la vidéoconférence, ça marche. Je vois le commercial en costard et en caleçon en dessous. Mais tu sais qu'il y en a plein, vous le faites peut-être, hein, mais vous avez le costard en haut et rien en bas, c'est plutôt drôle. Bon, on s'éloigne du sujet de ce soir, en tout cas. Sujet de ce soir qui sont les pirates, l'univers pirate, hein, vous l'avez peut-être vu sur la page Facebook, si ça n'est pas le cas, et d'ailleurs un petit post Instagram aussi, si vous n'avez pas encore rejoint l'un des deux réseaux, vous pouvez y aller, un page Facebook, vous cherchez Indestar sur Facebook, ou alors Indestar Radio, je vais y arriver tout attaché, sur Instagram pour rejoindre notre compte, qui est alimenté par Linda. Très beau travail, Linda, bravo. Merci. Voilà, donc encouragez Linda, allez mettre un petit j'aime. Merci. Et puis le thème de ce soir, je le disais, donc l'univers de la piraterie. Dans un instant, on aura une histoire de pirate. On ira dans un bar virtuel et on aura une comment on appelle ça, une tavernière. Une tavernière qui nous racontera une histoire de pirate. Est-ce qu'elle aura du bon rhum à me servir, la tavernière? On demandera les boissons à distance, ça marche pas encore. Ouais. Hein. On attend les pièces jointes, boissons et nourriture. C'est pas encore pour tout de suite, malheureusement. Voilà. Et puis on fera un petit tour de table pour savoir quel pirate êtes-vous. Pensez à un nom pendant qu'on écoute The Ending to This Story. La fin de l'histoire, The Kids Aren't Alright. C'est une reprise de Offspring sur Indestar. Juste avant le petit tour au bar. Voilà ce que j'ai à dire ce soir. Une très belle soirée qu'on passe ensemble pour cette fin de semaine. Émission à la maison, 21h jusqu'à très tard dans la nuit. On ne sait pas encore, mais ce qui est sûr, c'est qu'on vous accompagne. Émission à la maison, c'est sur Indestar. Bienvenue chez vous. Et c'est jusqu'à très tard dans la nuit pour ce vendredi soir. On parle ce soir d'un thème, j'allais dire qui nous rassemble, non pas forcément, le thème de la piraterie, histoire de pirates, histoire de corsaires, voilà, tout mêlé. Et pour commencer cette émission, j'ai envie de demander très rapidement à chacun d'entre vous quel serait le pirate auquel vous voulez vous associer, vous identifier. Teddy. Alors moi je vais tricher un peu, c'est dans un animé, dans un manga, c'est le pirate Roronoa Zoro de l'équipage de One Piece. D'accord. J'en parlerai tout à l'heure plus tard. Mm-hmm. Jolan, un pirate. Alors moi c'est Jack. Jack Sparrow. Ouais. Ok. Linda. Moi je vais vous en parler tout à l'heure parce que si je vous annonce tout maintenant, bah, vous allez tout savoir, donc vous allez devoir rester jusqu'à la fin de l'émission pour savoir quel est mon pirate préféré. Voilà. Le pirate donc du teasing, c'est Linda. Laura. Eh bien moi aussi c'est du teasing, mais je vais vous dire quand même les noms. C'est un duo qui s'appelle Mary Read et Anne Bonny, deux femmes pirates incroyables. Et dans 30 secondes, vous aurez l'histoire de Laura. Mais avant, j'aimerais savoir, Virginie, à quel pirate tu t'identifierais? Alors moi, ça serait plus le pirate, le Capitaine Crochet. Ah, c'était mon mien aussi, le Capitaine Crochet. Écoute, toi. Attendez, il y en a plusieurs des Capitaines Crochet, c'est de lequel? Alors, moi, Peter Pan ou... Non, je pensais à Hook, tu sais. Ah oui, celui de Robin Williams. Le Capitaine Crochet interprété par... Robin Williams. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Oh non. Hook, la revanche de Capitaine Crochet. C'est Dustin Hoffman. Oh, faut que j'aille voir. Moi, c'était celui du dessin animé ou des BD que j'avais quand j'étais petit. C'était Capitaine Crochet, quoi. Ouais. Voilà. Martin. Bah moi je dois vous avouer que le confinement et la fermeture des bars me poussent à penser au Capitaine Morgan, un grand corsaire que vous ne connaissez pas. Non. Si, il est connu. C'est un des pirates, d'accord. C'est comme Barbe Noire, c'est comme Barbe Rousse, on les connaît pas personnellement, mais on les connaît de nom. Bon, on a surtout ceux pour ceux qui aiment bien boire la référence de la bouteille. C'est une marque de rhum, d'accord. Ça n'a rien à voir, donc du coup, c'est une marque de rhum. Ah oui, ok. Bon. Mais si, il est connu, c'est pas complètement à l'eau. De quoi, le rhum ou le capitaine? Je ne sais pas. Le rhum. Ah bah si, le rhum, oui. Si, Martin, je connaissais, je n'en bois pas personnellement, mais je voulais te soutenir dans cette blague. Merci. D'ailleurs, vous avez soif ce soir, j'imagine. Ça tombe bien parce que nous avons un bar à côté, nous avons une taverne. Et dans cette taverne, nous avons une tavernière qui a des histoires à nous raconter. Alors, on va commander une bonne pinte. Attention, l'alcool est à consommer avec modération, jamais tout seul, bien sûr. Et notre tavernière, Laura, a une petite histoire pour nous ambiancer dans cet univers pirate que nous abordons ce soir. Abordons, j'ai bien précisé. Bonsoir les petits potes. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Du rhum du Capitaine Morgan pour Monsieur Martin. C'est certain. Et du pamplemousse pour moi. Du pamplemousse, tu sors de mon bar. Tu sors de mon bar. C'est quoi ça? Tu prends une pinte ou tu te casses? Ou du rhum comme Monsieur Martin? Oui, parce que je vais écouter l'histoire quand même. Alors, asseyez-vous bien. L'autre fois, j'ai rencontré deux petites femmes. Vraiment des costauds. Mary Read et Anne Bonny. Vous en avez entendu parler ou pas? Dites oui ou non. Oui. Je connaissais Bonnie and Clyde. J'en ai vaguement entendu parler de ces dames-là. Eh bien, je vais vous raconter leur histoire. Ces petites dames-là, elles étaient là au 18e siècle. Mary Read est née en Angleterre en 1690. Mais malheureusement, son frère Willy est mort. Et son frère Willy est mort, certes. Et sa mère, du coup, habille Mary Read en garçon pour continuer de recevoir l'argent de sa grand-mère qui préférait les garçons aux filles. Alors déjà, le sexisme est bien présent, hein, discrimination bien sûr. Mary Read se travestit donc depuis sa tendre enfance et elle se travestit encore quand elle est adulte. Et c'est grâce à ça qu'elle s'enrôle sur un navire marchand, puis dans l'armée britannique. Elle se met en couple... elle révèle son identité à son cher et tendre mari. Ils fondent tous les deux une auberge, mais 4 ans plus tard, ce mari décède lui aussi. Beaucoup de décès autour de Mary, hein, pas beaucoup de chance. J'ai une question. Eh oui, oui, pauvre Mary. J'ai une question. Mary, du coup, pour se remettre sur ses petites papates, elle se retravestit en homme de nouveau. Et elle va à bord d'un navire hollandais sous le nom de Willy Reed. Willy, qui est bien sûr le nom de son frère, décédé à sa décédé quand il était plus jeune. Elle n'a pas pu le sauver ? Non. Sauver Willy. Elle n'a pas. J'ai la référence aussi, mon brave. Tu en veux une pinte ? Avec plaisir, tavernier. Hier. Ah, j'aime les blagues comme ça, j'aime les blagueurs. Bref, voilà. Continuons. Mais sur ce navire hollandais, Mary a son navire d'attaquer et elle est capturée par le pirate anglais Jack Rackham. Je pense que certains vont nous en parler ce soir. Rackham le Rouge ? Rackham le Rouge, oui, effectivement. Il était et... plus dur que le Rackham le Bleu. Rackham le Bleu. C'est un rapport avec de la viande ? Bleu, rouge ? Bonne question. Le cuirasse au blanc. Moi je dis quand c'est non. Et à point. La légende veut qu'il ait commencé comme cuistot et après il a pris. Il est monté dans les échelons. Exactement. Passons. À bord du bateau de Jack Rackham, elle démarre sa carrière de pirate, enfin. Mais attention, sur les bateaux pirates, les femmes et les lapins étaient interdits. Pourquoi les lapins, madame ? Eh bien, apparemment, ça portait malheur. D'accord. Ou peut-être était-ce juste du sexisme, encore une fois. Ouais. On ne saura jamais. Ce qui est con, c'est que quand le navire coule, ils font quoi ? Parce qu'ils peuvent pas faire les femmes et les enfants d'abord. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de femmes. Ah, du coup, c'est les pirates d'abord. Voilà, ils se bousculent dans les petites barcounettes. Voilà. Et Mary tombe amoureuse dans ce bateau. Elle tombe amoureuse d'un certain Adam. Mais Adam, en fait, dit... Non, mais moi aussi, je suis une femme travestie en homme. Ah, ah. Bah non. Il y avait donc une probabilité très faible que deux femmes soient sur le même bateau et travesties en plus de ça. Et en plus, cette deuxième femme, c'était Anne Bonny. Elle était déguisée en homme et elle était la compagne de Rackham en secret. Bah dis donc, il se fait plaisir le petit Jack, hein. Et en 1720, l'armée britannique lutte en masse contre la piraterie. Le bateau Rackham est attaqué, la plupart des pirates rendent les armes, mais les deux femmes pirates, révoltées, ne tuent pas que des soldats, mais aussi leurs compagnons pirates, à cause de leur lâcheté. Eh, hey, ils défilent pas comme ça, hein. Non mais oh. À la fin, elles sont capturées par l'armée anglaise, elles sont menacées de pendaison, mais hop, revirement de situation, elles dévoilent leur grossesse lors du procès pour échapper à la sentence, mais... Elles n'étaient pas vraiment enceintes, c'est juste on découvrait qu'elles étaient des femmes et voilà, elles sont servies de leurs atouts comme elles pouvaient. Mary, malheureusement, décède quelques jours plus tard de la fièvre jaune en prison et la légende raconte qu'Anne Bonny, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Elle a pas Bah non, mais elles ont vécu quand même une sacrée vie de pirate, Mary Read et Anne Bonny. D'ailleurs, la légende raconte aussi que Mary Read, avant d'achever ses ennemis vaincus, leur dévoilait un sein ou son sexe pour montrer qu'une femme pouvait se battre contre un homme et même mieux que lui. Bravo Mary Read, bravo Anne Bonny. Franchement, vous êtes mes pirates modèles. Voilà, c'était l'histoire de la tavernière. Je vous resserre un petit coup à boire. Bien avec plaisir, tavernière. Un petit rhum et on est reparti. On prend la mer. Mais c'est exactement ça, Teddy. On est reparti avec plein de choses et vous allez devoir vous préparer parce que on va dire exactement 4 minutes 2, on aura le plaisir de jouer ensemble avec un quiz spécial pirate, évidemment, puisque c'est le thème. Donc, vous préparez Teddy, Jolan, Linda, Laura, Virginie et Martin. Vous allez être en compétition ce soir à l'abordage pour ce petit quiz. Qui sauvera le navire ? On va pas tarder à le savoir après Kina Granis et son titre Gone sur Indestar. Dès 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar. Et bienvenue à la maison sur indestar.fr, sur toutes les applications d'écoute et tous les annuaires d'écoute pour capter Indestar. Et émission à retrouver quand vous le voulez sur une vingtaine de plateformes, puisque nous sommes aussi disponibles en podcast. Donc, peu importe l'application dont vous disposez, que ce soit en voiture à la maison ou surtout à la maison en ce moment, et bien vous pouvez réécouter cette émission spéciale pirate, puisque c'est le thème de ce soir. On était dans une taverne il y a quelques minutes avec notre tavernière Laura. Cora, qui voulait sortir de son rôle de tavernière pour nous donner quelques précisions sur, sur cette histoire, Laura. Et oui, je ne suis pas que tavernière, voyons, je suis aussi Laura Hubert au chômage, bref. C'est mon rôle préféré, wouh. Et qui ne t'ennuie pas, on rappelle, hein, parce qu'en ce moment, en mode confiné, tu fais énormément de choses. Voilà, non, je m'occupe assez bien. Hein. Et d'ailleurs, je m'occupe aussi en lisant, et c'est d'un livre que j'ai lu l'histoire de Mary Read et Anne Bonny. Le livre s'appelle V comme Virago, de Aude Gonny-Goubert et de Adrien Rebaudot, en fait, qui retrace l'histoire de plus de 70 femmes qui n'ont pas forcément été célèbres jusqu'à aujourd'hui. Enfin, jusqu'à, comment dire, il y a eu quand même embargo un peu sur leurs histoires ou des hommes qui ont volé leurs inventions et tout ça. Et l'une des premières histoires que j'ai eues, c'était celle de ces deux femmes pirates et ça m'a vraiment impressionnée. V comme Virago. C'est aussi sur la chaîne YouTube de Aude Gonny-Goubert qui s'appelle la chaîne YouTube s'appelle Virago, donc il y a ses portraits en livre mais aussi en image. Et Virago, c'est un terme assez intéressant à étudier parce que au 1er siècle avant Jésus-Christ, ça voulait dire femme guerrière, forte et courageuse, c'est une héroïne. Donc ça c'était la définition d'Ovide au 1er siècle avant Jésus-Christ, mais à partir du 19e siècle, Virago c'est devenu un terme péjoratif qui signifie une femme d'allure masculine, autoritaire et criarde. Super, comme quoi la misogynie évolue avec le temps. C'est ce que j'allais dire, oui, entre le 1er ou le 19e siècle, on est toujours au même point, quoi, finalement. Bah, au 1er siècle avant Jésus-Christ, non, au contraire, c'était vraiment une femme... Enfin, c'était pas péjoratif, quoi, c'était une forme, une femme guerrière, oui. Une héroïne, une mais femme courageuse. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure et à ton histoire, on était quand même... Enfin, voilà, les pirates n'avaient pas le droit de... d'aller sur les bateaux donc les femmes pirates ouais, n'avaient pas le droit de d'exister ça n'existait pas ouais, ça n'avait pas le droit de t'existe oui, pas t'as le droit d'être une femme pirate mais tu restes sur terre mais oui l'intérêt de la chose c'est dans les piscines gonflables qu'elles exactement tu t'entraînes dans la piscine tu seras très bien exactement est-ce que vous voulez une petite blague pragmatique oui parce que c'est ce que j'allais dire l'autre talent de Laura c'est les blagues pragmatiques alors déjà explique nous un petit peu le concept. Bah, en fait, c'est une blague qui est pas vraiment une blague parce que c'est très pragmatique, quoi. Ce sont des faits, mais du coup, racontés sous forme de blague. Enfin, j'arrive pas à expliquer les blagues pragmatiques. Attends, moi, je peux te l'expliquer si tu veux. Mais oui. Créé, l'explique très bien. Exactement, on va écoutez-moi ça. Les blagues pragmatiques, c'est pas vraiment des blagues, mais c'est pragmatique. Voilà. Donc, un exemple vaut mieux qu'un long discours. Est-ce qu'on a une blague pragmatique sous la main? Alors, oui, j'ai une blague. Il y a un bateau, en fait, il est à quai sur un port. C'est un bateau de pirates. Et à côté de ce bateau, il y a une mouette, un pigeon et un perroquet. Et entre eux, ils s'accostent. La mouette dit « Ah !» Le pigeon, il fait brr, brr, brr. Et le perroquet, il fait coco, coco. Et le pirate, il dit vos gueules, les piafs. C'est une blague pragmatique. Pragmatique, c'est pas vraiment des blagues. Simple et efficace. C'est pragmatique. Voilà, ah bah, il faut le jingle de sortir. Et en, Laura les cherche par rapport au thème de la soirée. Donc bravo, Laura. On en aura merci, encore merci. Deux autres. Attendez. Personnellement, j'ai un point, j'ai quelque chose à dire. Oui. Tu fais la mouette comme. Comme une mouette. Et ouais, c'est un truc je suis une mouette. Je n'ai jamais vu une aussi belle mouette. C'est rare aussi. Je connais la poule également aussi. J'ai jamais entendu une mouette aussi mouette. Même les vrais, les vrais sont moins mouettes que. C'est que ça. J'ai presque envie de vous dire qu'il faut faire une spéciale animaux, ça serait sympa. Ouais, spéciale imitation on pourrait faire. Merci, Laura, merci de reconnaître mes talents, c'est agréable. T'as attendu un moment, mais à 25 ans, ça y est, ton heure est venue. Et j'ai 24 ans, hein. Oui, bah, c'est parce que ça sera reconnu vraiment que dans un an, c'est pour ça. C'est ça, rattrape-toi, tu rames le pirate, tu rames. Bah justement, hein, on est en pleine piraterie ce soir, c'est le thème de cette émission et on va se mettre sur notre bateau qui s'appelle un... bateau. c'est pragmatique, ça aussi. C'est très perspicace, même. Qui s'appelle un bateau de pirate, tout simplement. Non, j'allais chercher. Il n'y avait pas un terme de nom de bateau de pirate, non? Sans un Sony. Donne le nom que tu veux. Le Sony. Le quoi? Le Sony. Non, ça, Sony, c'est PlayStation. Non, Sony. Sun. Sony comme le soleil. Ouais. Hein ah. Et c'est le bateau de quel film? D'une série animée. D'accord, mais pourquoi pas, hein, en même temps. Mais c'est vrai que les bateaux, il faut leur donner un nom, parce que sinon ça porte malheur. On le sait tous. Ça fait pas partie de mon quiz, c'est pas la première question. Ce que j'ai à dire, c'est que ce soir, donc sur le bateau, il y a Teddy, il y a Jolan, il y a Linda, il y a Laura, Virginie et Martin. Combien ai-je de questions? Je vais vous donner la réponse. Parce que ça, c'est pareil, ça fait pas partie du quiz. J'en ai 7. Voilà, avec à chaque fois 3 propositions de réponse. Donc vous pouvez jouer à la maison, hein, vous pouvez prendre un petit stylo et un papier. Vous allez avoir le temps de faire une proposition. Et on comptera le nombre de réponses que vous avez. Avec rien à gagner pour le vainqueur. Juste peut-être. L'honneur, oui, non, vous serez sacré capitaine du bateau pour la soirée. Voilà. Et peut-être qu'à 25 ans, vous aurez la gloire, voilà. J'ai refusé la soirée. Jolan. Non, je disais un jus de pamplemousse de la part du capitaine Théo, sinon. Évidemment. C'est dégueulasse. Moi, je cède ma place de capitaine parce que on sait tous que sur un bateau, quand le bateau coule, bah, c'est le capitaine qui part le dernier. Et moi, vu que je suis un très bon nageur, j'ai envie de sauter le premier. Donc voilà, je cède ma place de capitaine ce soir. À l'un d'entre vous, mais au gagnant, parce que je veux un winner quand même. Évidemment. Alors, première question, attention. Okay. Pourquoi, lorsque les pirates se font amputer d'une main, ils préfèrent un crochet à une main articulée en bois, à votre avis? Moi, j'ai la réponse, si tu veux. Alors, avant de la donner, tu la donneras le moment venu, Teddy. Est-ce que, pour vous, il est très utile pour bourrer un canon avant d'y loger le boulet? Est-ce que c'est qu'il permet de mieux boucaner la viande? Ou est-ce que c'est parce qu'ils veulent s'en servir comme une arme ou crocheter des ballots de marchandises? Je vous donne 5 secondes pour réfléchir. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Voilà. Les 5 secondes étant écoulées, je vous demande vos propositions de réponse. Je vais commencer par Linda. Alors, moi, je dis B pour la viande. La viande pour Linda. Ok, Laura. Moi, je dis la réponse C. Ils peuvent s'en servir comme arme pour crocheter les ballons de marchandises aussi. Virginie. Ah, Virginie n'est plus là. Virginie est un robot. Virginie, es-tu là? Elle se couper le bras justement pour voir ce que ça fait en fait. Elle teste la viande peut-être. Virginie en pleine investigation. Virginie Moussaïon, non. Tu es là? On a perdu Virginie. On a un petit souci de connexion avec Virginie. Elle nous avait prévenu que la connexion internet était un petit peu difficile ce soir. J'espère qu'on va la récupérer bientôt. Martin. Oui, je dirais la réponse C, surtout pour crocheter des trucs. D'accord, très bien. Jolan. Je dirais la réponse A, moi. Donc toi, ça serait pour bourrer un canon avant d'y loger le boulet. Ok, et Teddy? Eh ben, moi je dirais la D. Non, la C. Hein? j'avais une explication. Non mais franchement, j'avais une explication, mais ça n'a rien à voir. N'existe pas. Ouais. La réponse D. Effectivement, Teddy, c'est pour ça que je t'ai demandé en dernier parce que tu avais l'air de connaître la réponse. Cela dit, on se méfie avec Teddy parce que des fois il est persuadé d'une réponse et c'est pas du tout la même. Disons que je peux rajouter quelque chose si tu veux à ta réponse. Vas-y, je sens. C'est aussi pratique pour les cordages. Oui, je pensais plus à ça au début. Ouais, c'est vrai. Mais non, comme non, il l'a pas proposé, tu vois, je me suis dit, ah bah merde, bah tant pis. La réponse D. Non, mais ça peut être utile à plein de choses, mais c'est vrai que le crochet, on peut s'en servir comme arme, forcément pour, par exemple, mettre dans le ventre de l'assaillant, hein, ou crocheter les ballons de marchandises. Enfin, j'allais dire l'assaillant, non, c'est nous qui sommes assaillants. Mais, tu peux aussi crocheter les bateaux qu'on a. Crocheter ton adversaire aussi. Oui, bah c'est ça, ouais. C'est ça. Comme une arme, ouais. Ça a l'air comme arme, hein, voilà. Donc, on a Linda, Martin, moi. Non, si. Non, je sais plus. Non, Linda l'avait dit B. Moi, je l'avais dit B. Martin, c'est Laura, pardon. Et toi seulement qui a. Et Laura. Oui, j'ai répondu. Laura avait dit C. Oui, oui, Laura, pardon. Oui. Et Virginie aussi. Virginie aussi a mis sur le chat, c'est ça? Non, elle me l'a envoyé en privé, elle m'a dit réponse B pour moi. Ah, parce qu'elle nous entend? Réponse B, elle a dit? Oui. Comme moi, donc elle a faux alors. Ouais, voilà. Ah, ça valait bien le coup de répondre. Elle appuie sur l'émission et continue de jouer. Ben non, mais c'est bien, Virginie. Elle mais est oui, bien sûr, bien elle sûr. Est sur la, elle est sur la barque à l'arrière. Ah. Elle crie la réponse. C'est la réponse, ben. Attention, deuxième question. Qu'est-ce qu'un gréement ? Est-ce que pour vous, c'est l'ensemble des outils permettant la navigation ? Est-ce que c'est l'ensemble des pièces d'un navire à sa poupe permettant de se diriger ? Ou est-ce que c'est l'ensemble des voiles, des mâts et des cordages sur un navire à voile ? Je vous laisse un petit temps de réflexion. Donc, les outils, les pièces pour permettre de diriger le navire, ou bien les voiles, les mâts, les cordages sur un navire à voile. C'est quoi le mot gréement ? Gréement. Est-ce que tu peux répéter parce que t'as été un peu vite, hein, j'ai pas tout compris. Alors, je disais, faut aller à la vitesse de jeu là. Qu'est-ce qu'un gréement ? Donc, un gréement, c'est soit l'ensemble des outils permettant la navigation, soit l'ensemble des pièces d'un navire à sa poupe permettant de le diriger, soit l'ensemble des voiles, des mâts et des cordages sur un navire à voile. Donc, pour toi, Jolan, c'est. La réponse C. C'est la réponse C. Donc, l'ensemble des voiles, des mâts et des cordages sur un navire à voile. Ok, Teddy. Bah, j'aurais dit C aussi. Ok. Je vais demander à Linda. Également. Ok. Laura. C'est la C. D'accord. Ah ouais. Tout le monde a l'air d'être d'accord sur la C. Martin. Et ben moi je vais prendre la A. D'accord. Et Virginie du coup. Virginie n'est toujours pas là. Et ben Virginie, qu'est-ce qu'elle aurait mis Virginie ? Elle aurait mis la C ? Hein, Jolan, t'as pas une petite réponse ? Non. Non ? Et ben Virginie, t'as mis la C. Virginie a mis la C et elle a bien fait Virginie de mettre la C puisque c'est effectivement l'ensemble des voiles, des mâts et des cordages sur un navire à voile, le gréement. Voilà. Oh. Donc vous étiez presque tous d'accord sauf Martin. Et Martin avait eu un point pour la première et voulait en laisser aux autres aussi, ce qui est normal. À votre avis, troisième question, qu'est-ce qu'une bourre ? Est-ce que la bourre, c'est un type de boulet permettant de détruire les gréements ? Vous vous rappelez les gréements ce que c'est ? Oui. Est-ce que c'est un tissu pour stabiliser la poudre et la balle ? Ou est-ce que c'est un sabre à deux lames ? LOL. Pointu. Gros LOL. Moi, je dis réponse C pour maintenant. Alors, attends. On se calme, le capitaine Jolan, là. On va demander à Laura. Ah bah forcément c'est moi la première, comme ça je peux pas tricher sur les autres. Exactement. Il sait à qui il demande en vrai. Hein. Pff, ouais, c'est compliqué, hein. Enfin je veux dire, moi je suis tavernière, hein. Je suis pas sur le navire. Hein. Ah, il fallait faire un petit tour comme dans ton histoire. Ah bah écoutez, Mary Read elle m'a pas tout raconté. Hein. Je vais dire la réponse. C'est une bourre, c'est ça que ça s'appelle ? Oui. Donc, est-ce que c'est un type de boulet, un tissu pour stabiliser la poudre et la balle ou un sabre à deux lames ? C'est un bourre-pif. Je vais dire la réponse A. Donc, un type de boulet, d'accord. Voilà. Martin ? Pour moi, c'est la B. Donc, toi, ça serait un tissu pour stabiliser la poudre et la balle. Ouais. Linda ? B également pour moi. D'accord. Jolan ? La réponse C, du coup, pour moi. Un sabre de lame, ok. Et Teddy ? Évidemment que c'est B. Un tissu pour stabiliser la poudre et la balle. Eh ben évidemment que c'est pas B. C'était un type de boulet permettant de détruire les gréements. Donc Laura a la bonne réponse. Hey, je suis pas en mer, mais j'en connais des histoires. Exactement. Totalement au hasard, mais c'est bien joué. Donc il y a que Laura qui a bon. Non, mais... Voilà, j'avais l'esprit un peu embué à ce moment-là, j'avais bu une pinte de trop et voilà quoi, l'histoire m'est revenue qu'après. Ça se comprend. C'est dommage que Virginie avait mis un tissu pour stabiliser la poudre et la balle. Ah bah oui. Mais c'est le fantôme du bateau. Tout à fait. Attention, nous entrons dans la quatrième question. Donc, c'est-à-dire la deuxième partie du quiz. Quel instrument de navigation sert à mesurer les distances sur une carte ? Ah, c'est pas vraiment de la piraterie, c'est aussi de la cartographie. La navigation, plus simplement. Est-ce que c'est le compas ? Est-ce que c'est une longue vue ? Ou est-ce que c'est une boussole ? Je demande directement comme ça à Teddy. C'est le compas. Pour toi, ça serait le compas. Jolan. Je rejoins Teddy. D'accord. Linda. Je suis. D'accord. Laura. Je suis. On est une partie de poker ou c'est clair. Je me couche. Tapis. Martin. Bah tapis. Hein. Ok. Et ben vous avez tous la bonne réponse effectivement. Le compas qui mesure les distances sur la carte. Vous voyez bien l'utilité du compas à l'école. Hein. Vous prenez un point A au centre et puis avec le compas vous pouvez mesurer un. Je sais périmètre. Je sais pas vous, ça mais moi j'utilise plus de compas depuis. Hein. Alors on utilise maintenant très peu les compas, mais moi j'avoue que ça me sert de temps en temps quand je bricole, hein, principalement. Je peux me servir d'un compas. Mais c'est vrai qu'au quotidien, comme ça, en faisant la cuisine, en faisant, sur l'ordinateur, etc., j'ai pas forcément besoin de compas non plus. De toute façon, tu es matheux du coup, si je comprends bien. Tu es C'est matheux en utilisant un compas. Je m'amuse à faire des rosaces à la maison pendant le confinement. Je m'ennuie beaucoup. Ah, c'est ça, c'est ton nouvel âge. Exactement. Non, mais c'est le seul outil que tu peux avoir dans l'œil et ça pose pas de problème. Le compas dans l'œil, évidemment. Ah, pas bête la mouette. Bien joué. On l'a fait pas en pragmatique celle-là parce qu'elle est violente. Non, elle est très bien, elle est très bien. Cinquième question. Qu'appelait-on le chat à 9 queues? Est-ce que c'est un monstre des abîmes? Est-ce que c'est un trésor rarissime dérobé par Henry Morgan? Ou est-ce que c'est un fouet à 9 lanières de cuir? Donc, un monstre des abîmes, un trésor ou un fouet? À votre avis, je vais commencer par Linda. La dernière, c'est... un fouet à 9 lanières de cuir. Très bien. Laura? Je vote pour le fouet. Ok. Je vais demander à Virginie si elle est là. Wow. Vous pouvez répéter la question? Ça y est, alors, elle est partie de la proue. La question était, qu'appelait-on le chat à 9 queues? Est-ce que c'est un monstre des abîmes? Est-ce que c'est un trésor rarissime dérobé par un certain Henry Morgan? Ou est-ce que c'est un fouet à 9 lanières de cuir? J'hésite entre la B et la C. Je dirais la B. D'accord. J'aime Martin ça. Je dirais le fouet aussi. Ok. Teddy? Franchement, rien que pour mon côté sado, je le fouet aussi. Et je vais terminer par Jolan. Et moi, je rejoins Virginie, la B. La B, ok. Eh ben, t'aurais mieux fait de suivre Teddy plutôt. Alors, je sais pas si tu es possible quand j'ai un fouet dans la main, mais... mais oui. La bonne réponse était donc la C, c'est-à-dire le fouet, Teddy, Linda, Laura et Martin, vous avez la bonne réponse. C'est un fouet à 9 lanières de cuir. Ouais. C'est pour ça que ça s'appelait le chat à 9 queues. Imaginez 9 queues de chat. Je ne rejoins pas Teddy parce que je n'ai pas son côté sadomaso, justement. Donc, ah oui, mais... c'est pour ça que me suivre dans ce... là, faut peut-être pas... juste pour la question. Nous en sommes déjà à l'avant-dernière question. Robert Surcouf était-il un pirate, un corsaire ou un magasin de produits électroniques à Paris 13e? À votre avis. T'avais très bonne Burger Quiz hein, comme question. C'est vrai, c'est vrai. Ça n'a rien à voir. Non, c'est moi qui ai proposé la dernière. Je t'en peux pas douter. Ah mince, mais j'allais prendre la C pourtant. Tu peux répéter, ça m'a perturbé s'il te plaît. Robert Surcouf, à ton avis, c'est un pirate, un corsaire ou un magasin? Donc on va commencer par Jolan. Ouais, je vais te dire à la B. Hein. Un corsaire pour Jolan. Teddy? Ah pareil, un corsaire. Je sens pas le pirate en lui là. Je sens plus le corsaire. D'accord. Tu te sens le corsaire. Il fait ça. On rappelle le corsaire. Il fait ça légalement. Il a un prénom trop beau pour que ça soit être un pirate. Virginie, tu dirais quoi? Bah Robert, c'est un corsaire. Ouais. Robert le corsaire. Ah ça arrive. Parce que ça arrive. Voilà la réponse. Arrive. Martin. J'ai peur que ce soit la C en plus. Dis pas la C. Je vais dire la B quand même. Pourtant, ce serait le corsaire. Très bien. Laura. Moi, je vote pour Robert le corsaire. Ok. Et bien Linda. La B. Linda, ça serait la B. Ok. Donc, effectivement, la C marchait hein, sur Couf le magasin. Mais là, dans le thème pirate, c'était surtout la B que j'attendais, un corsaire. Ouais. Ce n'est pas un pirate, mais personne n'est tombé dans le piège. Donc, bravo les gens. C'est que, juste pour la déconnade, j'ai vraiment hésité à mettre la C, mais je me suis dit non, ça sent trop bon. Ah, mais j'aurais compté bon, hein, parce que c'est un petit placement de produit aussi. Mais... pour l'info, il me semble que c'est le nom d'un bâtiment français de guerre. Un bâtiment français. Son nom, ouais, il me semble. Non, pas le corsaire, le nom. Robert Surcouf. Le Surcouf, c'est un nom de bâtiment français, exact. Oh, ok. Et bon, on cherchera à quoi ça ressemble. Surcouf. Oh, c'est moche. c'est très moche. Attention, c'est la dernière question, déjà. Mais on a déjà. Attends, je vérifie. Oui, on pourrait avoir une égalité. Mais Laura est en tête. Et Laura pourrait gagner. Je te confirme. Bon. Ça serait la revanche d'ailleurs de Laura sur les. Elle est pas si bourrée que ça la tavernière. J'ai encore des histoires. Laura n'a toujours jamais gagné un jeu. Je peux donner l'info ou pas, du coup, avant la dernière question? Ah bah vas-y, vas-y. C'est un sous-marin, plus exactement, un sous-marin français. Ah oui, c'est de la Seconde Guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Très bien. Oui, pas tout jeune. Lequel de ces pirates a réellement existé? Est-ce que c'est Barberousse, Barbe Rouge ou Misson? Ah, la A. Alors, on va commencer par Virginie. Elle monte sur le bateau et elle décide de c'est elle la première. Hein. Non, je pose mes boules. Martin, tu dirais quoi? Barbe Rouge ou Misson? Non, Barbe Rousse. D'accord, très bien. Linda? Eh ben moi j'ai envie de dire la C, rien que pour ça. Misson, voilà. Ok. Laura? Barbe Rousse. Très bien, donc c'est la réponse A. Teddy? Attends, faut que tu me les répètes, je les ai oubliés. Tu préfères, non. Quel de ces pirates a réellement existé? Est-ce que c'est Barbe Rousse, Barbe Rouge ou Misson? Barbe Rouge, Barbe Rousse? Non, attends. Oui. Non, Barbe Rousse, Barbe Rouge ou Misson? La... Trop pression, moi. Barbe Rousse, d'accord, ok. Oui. Et Jolan? Pour ma part, je rejoins Linda. Donc Linda avait dit Misson. Misson, ouais. Oui. Et ben encore une fois, Jolan, tu suis... Ah, merde. Mauvaise réponse. La bonne réponse était celle qu'a proposé également Laura, qui fait un sans faute ce soir, Barbe. Oui. Je ne suis pas une américaine, mais je suis une vraie pirate. Exactement. Je te remets mon chapeau de capitaine. C'était Barbe Rouge ou Barbe Rousse, du coup? Alors, je suis en train de compter les points. Oui, c'était bien Barbe Rousse, oui. Ah bah Laura fait chier. Théo, toi tu reviens plus dans mon bar. Hein. Je t'aimais bien au début pour tes petites blagues, mais là ça va plus. Je vais donner un jus de pamplemousse au petit Jolan. Oh, hors de question, maintenant. Qui voulait le jus de pamplemousse? Mais est-ce que tu veux que je te crochette la figure? Je reprononce bien mon prénom. Tu peux rien. Jolan. Ça devient violent. Bon. Jolan, tu n'auras plus aucun pouvoir puisque tu seras le moussaillon de cette équipe avec seulement 3 points. Tu fermes la marche. Entre les deux, donc Laura première et Jolan dernier, il y a Teddy en deuxième position, le vice-capitaine, avec 6 points. Donc ça me va. 1 point de moins seulement que Laura. Nous avons derrière Martin avec 5 points. Bravo Martin, tu t'es bien défendu. Merci. Derrière, nous avons Linda avec 4 points. Oui. Voilà, Virginie qui n'a joué que à moitié. Mention honorable. Et 3 points, mais. C'est compliqué quand t'es à la proue du bateau de jouer. On est d'accord. Quand on est sur la barque à l'arrière, c'est plus compliqué. Et enfin, donc Jolan avec 3 points seulement pour ce quiz. Voilà. Moi, je suis dans la cave avec les tonneaux. Ah, mais oui, non, mais toi, tu rames, toi. Non, mais toi, on te fait passer par-dessus bord, tu sauras rien. Avec les esclaves, hein. Supplice de la planche pour toi. Ah non. Voilà. Bon, en tout cas, ça vous a peut-être donné quelques renseignements supplémentaires sur le thème pirate qui est celui de ce soir. On aura normalement, si Virginie nous entend bien et qu'on peut bien communiquer par radio avec Virginie ou Talkie Walkie, en tout cas, les clichés musicaux. Attends, je branche la CB. Branche ta CB, t'as raison. Allez, comme des pirates, ça va bien. C'est tellement vieux la CB. Les clichés musicaux au travers des musiques d'artistes, de dessins animés, de publicités. Ça sera le thème dans un instant. Et avant, on a Nods qui reprend, c'est un remix de Control sur Indestar. À tout de suite. Vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Alors derrière notre bureau, notre canapé, peu importe l'endroit où nous situons finalement, parce que vous ne voyez rien, vous êtes en tout cas sur Indestar, indestar.fr et toutes les applications préférées d'écoute pour cette nouvelle émission à la maison du vendredi soir de 21h jusqu'à on ne sait pas quelle heure. Ce qui est sûr, c'est que nous avons embarqué sans pendule sur un bateau de pirates ce soir, puisque c'est le thème de la soirée. Et après le quiz pour savoir où on en était par rapport à nos connaissances sur l'univers des pirates et des corsaires, nous allons nous intéresser à quelque chose beaucoup plus terre à terre finalement, si je puis m'exprimer ainsi, avec les clichés musicaux au travers les musiques d'artistes, de dessins animés, de publicités que vous pouvez voir sur la terre ferme. Et pour ça, on va demander à Virginie, si elle est de retour sur la terre, de nous parler de tout ça. Est-ce que Virginie, tu es là? Oui. C'est une copie. Tu avais juste le droit de dire oui. Hein. Je l'ai fait en mode. On en parlait à l'instant, mais en mode. CB. C'est ça. Tu me copies. Une copie. Oui, c'était juste pour savoir si tu pouvais commencer. Oui, alors moi je vais vous parler. Oui, je suis là. Ok. Nous t'écoutons, nous sommes tous oui, Virginie. Alors côté musique, moi j'ai sélectionné donc deux musiques qui sont complètement opposées à ce que vous allez découvrir. Je voulais vous parler de Léa Passy, adolescente pirate. Donc, c'est un titre qui est tiré de son premier album qui s'intitule Chapitre 1er, qui est sorti en 2017. Oui, je me rappelle, c'est pas si longtemps que c'est sorti ça, Léa Passy avec Adolescente Pirate, ça donnait ça. Oui, on a l'extrait, hein, on a l'extrait derrière nous, et vous pouvez l'entendre cet extrait. Nous, en retour, on l'a pas forcément, mais vous pouvez entendre ce que ça donne. Et donc par rapport à ce titre, tu voulais dire ? Alors la symbolique de ce titre, en fait, ça représente le passage de l'adolescence vers l'âge adulte. Et selon Léa Passy, c'est le moment où on aimerait être soutenu, être écouté lorsqu'on ne l'est pas, tout simplement. Donc cette chanson, elle mêle la tourmente de l'adolescence vers le passage à l'âge adulte. Voilà. Tu veux dire donc que quand on est adolescent, en fait, finalement, on est un petit peu pirate, quoi. C'est un peu ça, ouais. Très bien. Donc, c'est un premier extrait assez récent, hein, finalement, dans la pop culture, que vous avez pu entendre. Tu as des références aussi plus vieilles, hein. Plus vieille, oui, qui ont mon âge, quoi. Je ne suis pas une vieille. Qu'est-ce que tu vois, que tu dis, Théo? Non, mais plus ancienne, parce que 2017, plus antique. Pas 2017. Tout à fait. Moi, j'ai une chanson en fait qui prête à sourire parce que elle est vraiment très kitsch. Les kitsch au possible. Hein. Donc, nous sommes en 81 et ce titre, Radio Pirate, est chanté par la troupe du Grand Orchestre du Splendide. Mmh. Et ça commence par « Hey, allô, salut les potes, ici Jean-Pat de Radio Pirate, waouh !» Cette chanson, en fait, elle explique ce qu'est la Radio Pirate de l'époque. Ouais. La Radio Pirate, c'est une station de radio qui émet sans autorisation administrative. Et ces émetteurs ont connu leur âge d'or, puisque... lors de l'explosion de la culture pop, avant la naissance en nombre des radios libres qui étaient autorisées en France au début des années 80, qu'on a ensuite remplacé progressivement par les radios privées couvrant tout le territoire français. Donc. Alors, voilà. Je t'interromps. J'ai vu une petite référence par rapport à ce type de radio pirate, si je puis dire. Il y a un film que j'ai vu qui m'avait vachement marqué qui se passait sur un bateau. Il faisait des émissions de Radio Caroline. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça, je cherchais le nom du film. Qui a vraiment existé, hein, Radio Caroline, plutôt. Et le film en fait référence. Et si vous aimez un petit peu l'univers de la radio, vous vous intéressez, c'est un bon film pour se faire l'idée de ce qu'était une radio libre à l'époque. Et les radios libres en France, alors ça, c'est différent dans chaque pays, mais c'est vrai que jusqu'en 81, jusqu'à l'élection de Mitterrand en 81, les radios privées n'étaient pas autorisées en France, sur le territoire français. Alors on recevait certaines radios d'autres pays, des radios assez puissantes, je pense par exemple à RTL, qui était Radio Télé Luxembourg, ou RMC, Radio Monte Carlo, on les recevait sur le sol français, mais en fait toutes les autres radios qui n'étaient pas celles du service public, donc tout ce qui est Radio France, France Inter, France Culture, etc., n'étaient pas autorisées en France, donc on avait seulement la radio d'État. Et ça, dans les années 70, il y avait plein de monde qui avait envie de faire de la radio, envie de s'exprimer. Donc j'ai une question, Théo. Pourquoi elles n'étaient pas autorisées à l'écoute, en fait? Parce que on voulait tout contrôler, c'est-à-dire que propagande, comme les télés, hein, la télévision jusqu'au web télé, pour être présent sur la bande de fréquence télévisuelle. Bon, il y a eu les télés privées qui sont arrivées, et puis après, depuis un certain nombre d'années, en grand nombre, mais avant on avait pareil, au niveau de la télévision, seules les chaînes publiques, Antenne 2, il n'y avait pas TF1, hein, c'est Antenne 2, FR3, etc., qui étaient présentes. Et la radio, c'était pareil, sauf qu'à un moment donné, bah, les gens ont envie de s'exprimer, ont envie de dire des choses qui n'étaient pas dans le cadre de forcément de la loi ou la tendance du gouvernement. Ils se sont mis à s'équiper à la maison dans des petits studios, dans des caves ou des greniers, d'un petit émetteur pour faire de la radio. Avec des fois des conséquences qui étaient de simplement bah, les forces de l'ordre les repéraient et puis ils venaient démonter le studio en direct. Allez hop, on embarque tout le monde. Ah, oui, non, c'est ça, on embarque le matériel, c'est on embarque tout le monde. Les vidéos qu'on voit des flics défoncer des portes, arriver police, et ben c'est ça. Mais c'était en vrai. Exactement ça. Et ça, ça a duré jusque dans le début 81, jusqu'à l'élection de Mitterrand, qui une de ses premières mesures a été de libérer la bande FM. Donc de libérer les radios libres et ces radios pirates se sont transformées en radios autorisées et après tu le disais tout à l'heure Virginie, alors c'est pas qu'elles se sont forcément toutes privatisées, mais disons que oui. Sur les centaines de radios qui se sont lancées en 81, il y en a certaines qui ont explosé, je pense notamment à Énergie par exemple, Énergie, ouais, une toute petite radio dans une chambre de bonne à Paris qui a explosé, et ces radios en explosant on cherchait à se développer et pour chercher à se développer elles ont regardé un petit peu ce qui se faisait autour et notamment les autres stations qui existaient et qui commençaient à peiner parce que c'était bien joli d'avoir une station de radio, mais une station de radio il y a des bénévoles qui ont envie d'être salariés et que d'en faire un vrai métier de pouvoir s'équiper, d'avoir de l'équipement, etc. Et donc tout ça, ça a un prix. Pour avoir cet argent-là, il fallait de la publicité. Jusqu'en 84, la publicité n'était pas autorisée. C'est un petit peu ça qui était vicieux, en fait. C'est qu'on autorisait les radios privées à émettre, mais pas à diffuser de la publicité. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en 84, pour ceux qui se rappellent et qui étaient à Paris à l'époque, il y a eu une grande marche initiée par Énergie et suivie par tout le monde, plusieurs millions de personnes qui sont rassemblées pour manifester contre cette aberration. Et à la suite de ça, les radios privées ont eu l'occasion de passer de la publicité et donc de se rémunérer. Et à partir de là, en fait, des groupes se sont formés, des groupes de radio. Donc, toutes les radios, que ce soit lancées par des groupes privés ou des groupes publics, ont racheté d'autres radios. Et on a commencé à créer les réseaux. Donc, il y avait Europe 2, il y avait Fun Radio, il y avait RTL2 déjà ou pas ? Non, alors à l'époque, il y avait Maximum. Qui a développé plusieurs radios, et quand Maximum s'est arrêté, je crois que c'est en 94 de mémoire, ça a été remplacé par M40 dans un premier temps, et puis après par RTL2 qui devait s'appeler RTL1, donc du groupe RTL qui a lancé cette station musicale, mais RTL2 date de 95, quelque chose du genre. Voilà, donc c'est pas si vieux. Ouais. Et moi, j'avais une dernière question. Ouais. Du coup, Energy faisait partie de ces radios un peu pirates, si je puis dire. Oui, totalement. Non, c'est pas le bon terme employé, mais elle faisait partie des radios un peu dans l'illégalité, quoi, si, en gros. Alors non, parce que je crois qu'Energy s'est lancée au moment où ça a été autorisé. Ah, donc, d'accord. Elle faisait pas partie des radios pirates, mais elle faisait partie des premières radios libres. Des radios libres. Pardon. Et l'intelligence, si je peux me permettre, de Jean-Paul Bocroux, qui est le toujours le directeur d'Energy à l'époque, ça a été de miser sur le matériel, c'est-à-dire qu'ils étaient dans une chambre de bonne à Paris, donc il y avait zéro budget pour ça. Mais par contre, il a misé sur les émetteurs, des émetteurs de très bonne qualité pour être au même niveau qu'une radio, une radio publique. Et c'est grâce à cette vision de la radio à l'époque, de dire on va faire quelque chose le plus professionnel possible, même si on a un budget limité, c'est grâce à tout ça que les gens ont préféré écouter le son qui sortait de leur émetteur qui était penché sur Énergie, plutôt que sur la petite autre radio locale du coin qui avait un son qui était beaucoup moins bon. Donc c'est ça, un certain nombre d'autres stratégies, hein, mais ils ont commencé comme ça et puis ils ont pu après racheter des radios, etc. Et puis ça. Mais quand tu vois comment ils ont évolué, du coup, Énergie, maintenant, tu vois que le stratagème a bien fonctionné, quoi. Ah, bah surtout qu'aujourd'hui, la plupart des radios lancées en 81 ont malheureusement disparu, ont été rachetées ou juste le matériel revendu, etc. Mais des groupes se sont formés, et parmi ces groupes, le groupe Énergie, qui dispose d'Énergie, qui dispose de Nostalgie, qui dispose de Chéri FM, etc. Ça en fait un des gros groupes musicaux les plus influents en France, carrément. Voilà, pour la petite... Et si on revenait à nos pirates. On va revenir sur, sur la radio pirate de Virginie. On va me lancer sur ce genre de sujet, parce qu'après... On n'arrête plus. C'était l'instant, Théo. De quoi ? Non, on m'arrête plus, hein, complètement. Par contre, on a l'extrait de Radio Pirate qu'on a entendu en début d'émission que j'aimerais bien écouter, Teddy, si c'est possible. S'il te plaît. Allez, c'est reparti. Tout le monde s'éclate. Et ouais, tout le monde s'éclate parce qu'on avait la liberté d'expression, on avait tout ça à l'époque. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de vous replonger dans les archives internet, vous pouvez faire un petit tour sur une radio qui s'appelle Carbone, enfin qui s'appelait Carbone 14, qui est l'une des radios pirates emblématiques de l'époque où on commençait Super Nana, qui malheureusement nous a quitté il y a quelques années maintenant, où on commençait en tant que stagiaire aussi Arthur, Alexandre Devoise, enfin il y en a plein qui sont passés par Carbone 14 à l'époque. Et c'était l'une des radios libres où on parlait. Alors par contre, attention, âme sensible, s'abstenir, hein, et les enfants aussi, parce que ouais, ça partait loin, clairement. Hein. Mmh. Voilà. Et c'était partagé d'ailleurs pour la petite anecdote avec une radio que bah, qui aimait maintenant, qui s'appelle Fréquence Gay, alias FG. FG Radio qui diffuse notamment sur Paris et un peu partout, pas partout en France, mais une certaine grande zone quand même. D'accord. En gros, ouais. C'était la référence des premiers animateurs Carbone 14, quoi. Bah, Carbone 14, ouais, pendant longtemps, on a fait référence à Carbone 14 parce qu'il y avait une liberté d'expression, les premières radios libres, etc. Vraiment. En parlant de liberté d'expression, radios, hein, mais... est-ce qu'on te couperait pas le micro pour laisser parler Virginie? On peut me saisir le matériel, aucun souci. Ouais. C'est ça. On peut même tirer de son micro à distance. Hein. Je pourrais. Écoutez, dessins animés, quand je vous parle dessins animés, vous pensez à quoi? Manga, pardon. Ouais, et Captain Crochet. Mais en manga. En manga pirate? Ah bah je pense bien, One Piece, vas-y, moi perso. Vas-y, t'as dit. Je pense One Piece, moi perso. Mais après, il y en a un plus vieux qui date de Jérusalem. On va dire, c'est le précurseur. c'est l'un des précurseurs des mangas, c'est Albator. Oui, alors. Voilà, tu veux-tu que je te mette la musique? C'est pas Jérusalem, mais Mathusalem, hein, le. Ah pardon. Jérusalem, c'est une ville. Oui, mais à date aussi. Ça marche. Albator, le capitaine corsaire, pour moi c'est le meilleur générique des dessins animés. Parce qu'il envoie du bois ce générique. Envoie-le, tiens d'ailleurs. Je l'envoie. Albator, pour les enfants de la terre, le voilà. Albator, le capitaine corsaire, il revient. Albator qui est disponible sur Netflix maintenant. Ah, il est disponible. Ouais, en animé, ouais. Il y a eu un film aussi d'ailleurs dernièrement là. Oui, aussi il y a eu un remake. Il est sorti en 2014, je crois. Ouais, c'est récent. Sûrement. Ouais. Et sinon, j'en avais un autre aussi. C'est alors ça va peut-être plus parler à Linda. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, on a. Avant de regarder le Club Dorothée sur TF1, on regardait Maureen qui animait Récréa 2. Pas de carotte. Récréa 2 sur Antenne 2. C'était Dorothée qui animait. Bah attends, oui, Linda, au pire, écoute l'extrait, tu vas peut-être trouver. Ouais. Toi, enfant de la terre, écoute-moi. Ah, c'est Ulysse 41. Non, c'est... Ça ressemble à Albator, ça, mais c'est pas... C'est pas Ulysse 31. Ah, c'est quoi droit? Ah non, c'est les mondes engloutis. Ouais, c'est pas ouais. Alors là, ah, gagné, bravo. C'est vrai qu'il était pas difficile. Moi, on est dans les années 80, Récréa 2, et tu le disais, Virginie, animée par Dorothée déjà à l'époque. Par Dorothée, et la devise de Récréa 2, en fait, c'était apprendre en s'amusant. Hein, c'était vraiment les émissions, une émission précurseur de l'époque. Et le générique est chanté par Ministar, un groupe qui s'appelle Ministar. Et la musique qui est derrière, c'est une musique qui est composée par Vladimir Kosma, qui a fait La Boom, qui a fait. Il a fait. Avec Louis de Funès et comment il s'appelle il est l'or, Monseigneur, l'or de Saint-Denis. Bah c'est la barre. Vladimir Kosma. Non, Vladimir pas la barre. C'est pas la barre, c'est le. Ah, comment ça s'appelle? La folie des grandeurs. Oui. Ah oui. Voilà. Et en fait, c'est ce dessin animé, c'est l'histoire du Chagma, un soleil artificiel qui est indispensable à la vie des gens qui vivent en dessous, dans la cité d'Arcadia. Et cette cité, en fait, elle tombe malade et il y a des méchants, des pirates, qui sont des personnages antagonistes récurrents. Ils sont alliés au groupe. Enfin, ce sont des personnages qui sont alliés, hein, ce sont des pirates punk, et ils sont contre le groupe d'Arcana, qui est, Arcana, c'est la gentille. C'était une rappeuse, Arcana, non ? Arcana, c'était là ? C'est aussi une rappeuse, oui. Oui, c'est une rappeuse, mais dans la vraie vie. Arcana, oui. Et puis, Jolani, à côté de la plaque. c'est le prochain Renault Arcana aussi qui sera le prochain, si tu veux. Ah, j'ai dit une connerie ou... Non, Là, c'est une rappeuse aussi, ouais. Ah, oui, c'est comme ça. T'es juste hors sujet, c'est tout. D'accord, c'est une connerie, du coup. Donc, il y a des pirates, il y a trois principaux pirates dans ce dessin animé. Si un jour vous avez l'occasion ou vous avez la curiosité d'aller voir sur YouTube, on a Max Agaz, le chef des pirates et du clan des lacs. On a Mass Media, la compagne de Max Agaz. Et on a Kapil et Matimat, leur acolyte. Donc, excuse-moi, mais c'est quoi ces noms? Pourquoi tu rigoles? Parce que c'est quoi ces noms? C'est juste le Matimat, je sais pas. Non, tous tous. Ils sont très bizarres, les noms. Oui, c'est excellent. Oui, mais en même temps, il faut en inventer des noms. Au bout d'un moment, t'as plus de nez. Ouais, mais... Tout à fait. Et il faut savoir que dans ce dessin animé, on a deux personnages qui sont... c'est un peu des anti-héros, c'est deux pangolins. Quoi? Des créatures... Si, des pangolins, si, je vous assure. Des pangolins. Il y a des pangolins qui sont... Il faut... Alors, donc en fait, je reprends. Donc en fait, les pangolins, ce sont des anti-héros. Des personnages historiques dans cette petite fiction qu'on retrouve et qui accompagnent les enfants d'Arcadia, Arcana, et qui sont là aussi pour sauver le Chag-Chag, le soleil qui a disparu en fait de sous la surface. Il y a le soleil et le Chag-Chag, c'est la vie qui est sous la terre. C'est un soleil enterré, en fait. Exactement. Et donc, dans ce monde parallèle, ils y rencontrent peuples et personnages historiques ou fictionnels qui sont issus de différentes origines et qui vont s'allier pour retrouver le soleil, pour sauver la vie, quoi. En gros, voilà, c'est ça la petite histoire. Est-ce qu'on peut dire qu'Arcadia est malade à cause des pangolins ou... Alors, justement, je me suis posé la question. Nous sommes en 2020. Est-ce que c'était pas une vision du futur? À un moment donné, les pangolins, ils nous ont, je sais pas, ils ont chié un truc quelque part. Je sais pas, il s'est passé un truc. Je sais pas, je cherche toujours. J'ai d'ailleurs... La revanche. Pas, mais oui, c'est la revanche. La revanche du pangolin. Un 2. Voilà. On rigole, mais à cause d'eux, on est chacun chez nous. Hein. Ouais, ils ont rien fait, eux. À cause d'eux ou à cause c'est les humains. Moi, je fallait pas les manger aussi. Hein. Ils étaient très bien vivants. C'est toujours la faute des humains, de toute façon. Oui, bien sûr. Je suis d'accord. Après, côté publicité, j'ai aussi deux publicités qui devraient parler à tous. Ah. Je mets la première. Donc, j'en ai une qui devrait... Je vais d'abord vous laisser... On n'a pas entendu, Virginie, ce que tu voulais nous proposer. Laisser écouter, je pense, je crois. Ah, vous voulez laisser je vais d'abord vous laisser écouter et après, je vous laisse deviner. D'accord, on écoute. Alors, premier extrait. Alors, les enfants, on s'énerve pas. On les aborde, on les égorge, on les étripe, on les massacre et on les coule. La routine habituelle, quoi. Comment à l'abordage ? La routine habituelle, quoi. Ouais, alors là, pour le coup, c'était pas une publicité. Hein, c'était on pas une publicité. Effectivement, excusez-moi, j'en avais un troisième de dessin animé et c'est mon préféré. Ah merde, oui. C'est absolument pas moi non plus. Ah, ça vous dit rien, les voix, là ça vous dit rien ? Non, ça, si... Vas-y, Virginie. Alors, il y a un gros. Et il y a un gros petit... caillou dans la main. Non, mais il est pas gros. Il est juste un peu enrobé. C'est deux oubliés. Exactement. Exactement. C'est Astérix Obélix. Mission Cléopâtre. Ah. Ouais. quand ils partent sur le bateau et c'est les pirates, c'est les pirates mais oui. qui sont là et qui disent bah, on fait comme d'habitude, on va les égouiller en gros, et sauf qu'ils tombent sur les Gaulois et bah malheureusement pour eux c'est eux qui sont égouillés. Bon, du coup cette fois-ci je mets les pubs parce que j'avais pas tilté. Allez, première pub. Vraiment onctueux cette panda avec un bon goût de morue. Ils ont volé notre recette. Pirate. Ah bah si, c'est connu ça. Ipiac. Exactement. Ipiac. Aux grand-mères qui cuisinent. Pirate. Ça, c'est l'instant rémunération d'Indestar, on vous passe des pubs. Et vous savez justement pourquoi les trois petites vieilles, elles crient pirate à la fin de la pub. Parce qu'elles ont volé la recette. Pourquoi elles le crient? Elles crient pirate. Pour pas qu'on leur vole la recette, justement. Ah non, parce qu'ils ont volé la recette. Pour pas qu'on leur vole leur recette, mais pas que. Pourquoi elles n'auraient pas employé un autre adjectif que pirate? Parce que c'est par rapport... parce que ça va moins bien. Non, parce que corsaire, c'est légal. Parce que Tipiak rime avec pirate, non? Elles auraient pu, par exemple, voleur. Parce qu'effectivement, ils volent la recette des bigoudens. Est-ce que c'est... Justement, vu qu'elles sont en Bretagne, bah, du coup, elles sont fait voler, mais par la mer, donc plutôt des pirates. Alors en fait, la réponse, elle est un tout petit peu plus simple, mais elle est censée avec ton raisonnement. Tout simplement parce que c'est moins violent comme mot. D'accord. En fait, pirate que vous. C'est moins violent que vous dites, bah, c'est quand même... C'est plus charmant, en fait. On les trouve rigolotes et elles sont adorables, en fait, quand elles crient « pirate ». Ouais. Enfin, quand tu fais pirater ton ordinateur, je suis pas sûr que ça soit super drôle. Non, ouais, pas trop drôle. Hein. Et le terme qui correspond aussi à c'est quand même le terme qui correspond plus à leur vocabulaire. Elles auraient pu dire, je sais pas moi, un terme comme brigand, mais pirate, bah c'était plus cohérent avec le look des bigoudens en l'occurrence. Bah oui, c'est ça. Ça paraît plus logique, mais j'imagine tellement une scène dans la vie de tous les jours. Il y a un voleur qui rentre dans une boutique et puis la caissière ou le caissier qui est en mode hey, oh voleur, non, je suis un pirate. Ah d'accord, c'est mignon. Bah allez-y, prenez. Mais comme Pijola. Si tu dis je suis un corsaire, ah bah d'accord, vous faites ça pour le gouvernement, ok, y a pas de soucis. Mais là, il a dit un truc, ça sonne bien avec le nom en fait, Tipiak aussi, je trouve. Le même tempo. J'ai en abandon, mais ouais, du coup. Il y a un logo aussi qu'on retrouve sur chez Tipiak. C'est un clipper, un bateau qui a traversé le fameux trois mâts, pardon. Oui. Et en fait voilà, c'est le logo de Tipiak, c'est un clipper. C'est un fameux trois mâts. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai voulu lancer, mais je me suis planté. Je suis triste. Tu vas me le mettre dans la tête, arrête. Ouais. Santiano. Allez, dernière pub. Oui. 5,99, 200, c'est ici. Le trésor est en dessous. Vas-y, creuse. Plus vite. Creuse plus vite. Tiens, bois un Red Bull. C'est mieux. Alors, tu le vois? Combien y a-t-il? Allô? T'as trouvé le trésor? Allô? Allô? Red Bull donne des ailes. Ah, c'est une pub pour Coca-Cola. Mais non, Red Bull. Non, pour Orangina. Oh, oui. Orangina, ça c'est... J'ai calé le troisième. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris le jeu de mots. Donc en fait, la pub pour Red Bull qui est récente, hein, celle-là, non? Elle est 2017, cette pub. Ouais. C'est mes filles qui m'en ont parlé. Elles m'ont dit, maman, tu l'as déjà vue, cette pub? Ben, j'y vais, non, en fait, j'ai jamais vu, en fait. Et je l'ai découverte avant-hier et je l'ai trouvée hyper sympa. Super. Donc là, on avait le son, mais quand on voit le petit dessin animé qui est mis en place, c'est deux pirates, enfin c'est un pirate qui arrive avec son corsaire donc sur une île, et le pirate il a une carte au trésor, et donc il fait creuser son corsaire, et pour l'encourager il lui donne du Red Bull. C'est l'inverse. Sauf que du coup ça lui donne des ailes, et donc du coup il atterrit de l'autre côté de l'île et il s'enfuit avec le trésor. Mm-hmm. Et si ça avait été Astérix, il aurait donné un petit pot de potion magique et ça faisait le même effet. Exactement. Mais d'ailleurs, non, c'est pas toi, Obélix, t'es tombé dans la marmite quand t'étais petit. très bien, bah merci en tout cas pour toutes ces références pop culture, Virginie, publicité, dessin animé. Personnellement, ça m'a, enfin, même si je connais un peu la culture radiophonique, ça m'a un peu instruit quand même. J'avais pas toutes ces époques, je les ai pas connues, donc Et on les connaîtra jamais, toi. La libération de la bande FM. Vous avez adoré Radio Pirate, en fait. Vous avez retenu que Radio Pirate. Sympa. Ah oui, entre autres. Entre autres. On a retenu toutes tes publicités, tous ces petits extraits fort sympathiques. Et Radio Pirate, Jolène, pour ta culture, c'est aussi le groupe qui chante la salsa du démon. Ah. Salsa du démon. Oh non. Mais si, c'était cool. Non. On va continuer de décrypter des mythes sur les pirates avec toi, Martin, tout à l'heure. Et puis avant, les Daft Punk sont là, ou presque, My Tom Kings, qui reprend à la bouche l'ensemble des sons de Harder, Better, Faster, Stronger des Daft Punk maintenant sur Indestar en ce vendredi soir. Vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Bah oui, autant le vivre bien ce confinement tranquillement chez vous à la maison ce vendredi soir fin de semaine. Et on en profite pour écouter la radio et écouter Indestar en une émission spéciale pirate ce soir. C'est le thème de la soirée qu'on a déjà largement abordé, mais ça n'est pas terminé puisque Martin a envie de nous décrypter un petit peu certains mythes des pirates. Et sur quel mythe tu vas te pencher, Martin, ce soir? On va parler de cache-œil, de perroquet et de trésors secrets. Alors rentrons dans les abysses des histoires de pirates. Ouais. Alors déjà pour commencer, j'ai vu que vous étiez au courant de ce qu'était un pirate et un corsaire. Mais est-ce que vous savez ce que c'est un flibustier? Bonne question. Alors je me la pose parce que autant je connais le terme, autant je ne saurais pas le définir. C'est pas genre le maître d'armes sur le bateau? Non. Non. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Un flibustier, c'est quoi? Est-ce que c'est pas le comparse, tu vois, genre en mode « Hey, mon flibustier !» Non. Le matelot. Non, c'est pas ça non plus. Le flibustier. J'adore. Hey, voilà, Jolly Jumper. Ah, pour moi, il a un rôle prédéfini sur le bateau, ce... Non, ça se... Est-ce non, que c'est pas une sorte de marchand? Oui, en quelque sorte. Ah, en fait, un peu comme tous les pirates. Oui. Un brocanteur. Non, en fait. C'est lui la brocante. Non, mais ça se joue à pas grand chose en vrai. Les flibustiers, c'est un peu entre les deux. T'es un négociateur. Un peu comme une ligne de crête, comme ils disent sur BFM. Parce qu'ils sont pas considérés comme des pirates. Parce qu'ils attaquaient pas les navires de leur pays. Donc, ils étaient pas considérés comme. Des personnes qui veulent du mal. D'accord, mais ils attaquent les autres quand même. Ils attaquent les autres sans forcément avoir de course ordonnée par les autorités. Du coup, les courses, c'était les ordres donnés aux corsaires. Ouais. Et je l'ai entendu ce mot. Oui, ils attaquaient sans forcément avoir les autorisations. D'accord. Toi aussi, c'est comme ça. Pirate, mais pas trop. C'est des aventuriers en gros, non? Ils sont entre deux en fait. Ouais, c'est ça, ils sont... Ils font juger. C'est un mi-chemin entre les deux. C'est des pirates, mais sympas quand même un petit peu. Des pirates sympas. Vous venez voir, en fait, ils vous payent l'apéro et puis après, ils vous détruisent. Voilà. C'est des pirates raisonnés. Bonjour, nous sommes des pirates raisonnés. Votez pour notre parti. J'aurais pas dit raisonnés, j'aurais dit plus civilisés. Oui, c'est ça, qui pense développement durable et tout. Ah ouais. Moi je pense qu'il faut recycler nos proues de bateau. Non mais c'est ça, ils te détruisent ton bateau mais ils le recyclent. Ok, très bien. Alors rentrons dans le mythe maintenant. Donc déjà le cache-œil. Est-ce que vous avez une idée pourquoi certains pirates portaient un cache-œil? Ah oui je sais. En dehors du fait qu'ils ont un œil crevé. Moi je sais. Laura sait. Mais à toi Laura. J'ai vu ça, mais je suis pas sûre de le dire en termes exacts. Mais en gros, c'était pour mieux voir. Comment dire? Je reprends le fil de ma phrase. Je reviens. Je pense savoir ce que tu veux dire en fait. Mais l'air bien parti. En fait, c'est pour avoir une meilleure vue. Comment dire? Quand ils se faisaient attaquer, enfin, ils avaient le cache-œil. Et en gros, c'était pour passer rapidement de l'extérieur à l'intérieur de la cale ou inversement. Parce que du coup, il y a l'œil. Qui s'est habitué plus rapidement. Enfin, l'œil caché est déjà habitué à l'obscurité, donc il n'y a pas un trop gros choc. Ah oui, donc ça veut dire qu'ils enlevaient en fait le cache-œil quand ils rentraient dans la cale du bateau? Exactement. Ouais, c'est exactement ça en fait. Le bateau, ça leur demandait d'aller régulièrement à la cale. C'est là où on trouvait les cuisines, le stockage et puis le rhum aussi, bien sûr. Et du coup, il portait un cache-œil pour garder un œil habitué à l'obscurité quand il descendait. Et à ce moment-là, ils inversaient leur cache-œil d'œil pour ensuite remonter. Pour vous faire une idée, quand il fait noir, on s'aperçoit que si on, au bout de quelques minutes, et qu'on est dans le noir quasiment total, mais qu'il y a une petite lueur, on s'aperçoit que nos yeux s'habituent à la nuit. Donc on y voit beaucoup mieux, alors que quand on éteint la lumière d'une seule fois, on n'y voit plus du tout. Donc là, c'est la même chose en fait. Ouais, mais on va pas spoiler la phrase. Hein, le cache-œil, ça donne quand même du charisme, hein, un petit peu. Oui, oui. C'est ça. Ça servait aussi un petit peu à intimider les adversaires en voyant qu'on avait déjà survécu à plusieurs combats. Et que... Jolan, on va pas se voiler la face, c'était fait exprès et cherché ou c'était un hasard? C'était un jeu de mots à la con que j'ai voulu faire. J'aime beaucoup. C'est joli, un point en plus, même s'il n'y a pas de points à gagner. Ah, vous avez pas qu'on joue. Comment ça, moi j'ai pas de points alors que j'ai dit toute l'explication? J'ai 5 points pour Laura parce que voilà, ça part. Voilà. Ah, merci. On lui donne une longue vue. Youpi, je vais pouvoir voir. Le centre-ville, waouh. Depuis ta fenêtre, d'accord, ok. Alors ensuite, le perroquet, est-ce que vous pensez que c'est vrai, c'est capitaine de navire qui avait un perroquet sur l'épaule? Encore. Moi, je dis alors j'ai peut-être une explication totalement bidon par rapport à ça, mais imaginons que c'est le capitaine qui avait son perroquet sur l'épaule, un perroquet on sait que ça répète les choses. Donc peut-être qu'il entendait des choses que les matelots et nous saillons disaient. Vérité, quoi. Pour motiver les troupes. T'imagines? Pour éviter les mutineries dans les bateaux. Pour éviter il rapporte. Il fait la balance, le perroquet. Ouais, pour moi c'était ça. Dans le même délire, il peut très bien envoyer son perroquet en éclaireur voir un bateau ennemi et lui dire. Personnellement, j'aurais plus dit un pigeon voyageur qu'un perroquet, mais. Bah ouais, mais peut-être que ça a été déformé après par le temps. Je sais pas. Et puis le problème du pigeon voyageur, c'est que il rapporte rien. Il peut rapporter un papier que lui envoie le capitaine du bateau en face. Oui, voilà. Alors que le perroquet, il parle. C'est plus compliqué. Le perroquet, il parle, tu vois. Oui. Ouais. Mais ça fait bizarre si t'as le perroquet du bateau ennemi qui vient sur ton bateau écouter ce que t'es en train de dire, quand même. Non, il va en repérage, il compte le nombre de gens. Ah oui. Ils sont trois. C'est ça. Ça va, alors. Tu es mort, tu es foutu. N'y va pas. Non, je sais pas. Alors, quelle était la bonne réponse La bonne réponse, c'est qu'en réalité, non, on connaît pas. Enfin, il n'y a pas vraiment de. Il n'y avait pas d'oiseau. C'est un mythe, après, non. Qui a eu un perroquet. C'est surtout inventé par Robert Louis Stevenson. Ah, Robert le Corsaire. C'est. C'était pas un petit peu de couleur sur les bateaux, du coup. Il a mis ça dans sa vie. Excuse-moi, Martin, de t'avoir. Non, pas de soucis. Et ouais, du coup, il a écrit ce livre Treasure Island, l'île au trésor. Mm-hmm. Et c'est ce livre qui a donné un peu tout l'univers pirate comme on le connaît aujourd'hui dans les films et les dessins animés. C'est un peu ce livre-là, ouais, qui a donné tout l'univers. Je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport au perroquet. Par exemple, je sais pas la référence du film Jack Sparrow, il y a un monsieur qui a la langue coupée. Ouais. Du coup, il y a un perroquet qui lui sert de traducteur. Ouais. Non, voilà. Mais on retrouve le mythe, mais ça, c'est du folklore, c'est même pas ça vrai. Ça fait partie de la panoplie en fait des pirates maintenant d'avoir. Ouais, mais du coup, dans le film, justement, il y a des situations un peu cocasses parce que le perroquet il dit des conneries des fois, donc. Mais si on réfléchit bien et qu'on pose les choses bien à terre, au final, un perroquet sur un bateau, il l'aurait sans doute bouffé bien avant qu'il soit célèbre, le perroquet. Ouais, je pense, ouais. Largement. C'est vrai que ça n'a pas de sens en soi. Mais... C'est marrant. Non, je te dis, c'est pour apporter un peu de couleur. C'est cool. Oui, c'est ça. C'est fun, en fait, dans le folklore, c'est fun de rajouter des trucs. Mais bon. Martin ? Alors ensuite, les trésors. À votre avis, pourquoi les pirates enterraient leurs trésors? Pour pas qu'on ne le retrouve? Parce qu'ils avaient peur de se faire couler ou quelque chose du genre? Pour pas se faire arrêter, peut-être ou... Ça faisait une sorte de banque, mais à eux, ouais. Quoi, parce qu'ils pouvaient pas aller déposer l'argent dans des vraies banques. Ouais, je rejoins Laura, c'est mettre l'argent en sécurité, quoi. Mm-hmm. Okay. Bah non, en fait, ils le faisaient pas. D'accord. Ah, mec, sinon, ils ne retrouvaient plus. Ils ont tenté une fois et puis en fait, ça a foiré, donc j'ai pas retrouvé. Mais j'avais un truc pragmatique en tête, franchement. Ils voulaient pas le mettre en épargne. Attention, blague pragmatique. Blague pragmatique. Ah non, non, non, rien à voir. Non, justement, non. Non, mais je disais. Stoppez tout. Non, je disais justement que j'avais eu une réflexion pragmatique. Pas que j'allais faire une blague pragmatique. Non, attention. Non. Allez, blague pragmatique. Pardon. Et donc, Martin, il faisait comment ? Du coup, en fait, non, en réalité, les butins qu'ils récupéraient, c'était plus généralement des marchandises comme des tissus, voire des esclaves. Et du coup, c'était pas une très bonne idée du tout de les enterrer. Pardon, ça respire moins. En général, ils se dépêchaient d'aller revendre ce qu'ils avaient trouvé pour transformer en argent. Et se payer une bonne beuverie pour se faire chier le tavernier. C'est vrai que sinon, l'esclave il valait moins cher après. Hein. Après, il séjourne dans le champ. Il est enterré. Mais là, ce qui est marrant, c'est que ça rejoint un peu. Alors, ça va être bizarre hein, pour vous, mais ça rejoint un peu les jeux vidéo. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Mais par exemple, quand vous jouez à un jeu type Fallout, vous n'êtes même pas un pirate. Hein. Mais vous explorez par exemple un bâtiment et vous n'allez pas prendre que l'or ou que l'argent. Dans ce bâtiment, vous allez prendre tout ce qui a même pas trop de valeur pour après le revendre. Vital ou... ouais. C'est la même chose pour les pirates. Ils vont pas voler que l'or ou que les bijoux. Ils vont voler tout ce qui peut... Oui, voilà. Ouais. Tout ce qui peut être intéressant pour eux. Les marchandises qui volaient en général. Donc. Bah oui. Donc il y a plein d'autres choses. Il pourrait très bien voler du thé par exemple. Tout se revend. Bah oui, c'est ça. Et d'ailleurs le thé pour les pirates c'était un petit peu de l'or. C'était un petit peu de l'or sans doute. Ouais. Les tissus, tout ce qui était tissu, thé, tout ça c'était volé aux marchands. Déjà à l'époque. D'accord. Ouais, tout à fait. Ah bon, on faisait pas de quartier, on vidait le bateau. Hein. C'est aux marchands. Oui. On laissait même pas le bois, si ça se trouve. Ça se recycle, hein, encore une fois. Et voilà, ça partait d'un bon sens, non, en fait. Par contre... Pourquoi vous voulez critiquer les pirates? C'est vrai qu'ils démantelaient certaines parties de certains bateaux pour pouvoir réparer la leur. Bah oui, ça, c'est vrai. Vraiment, quand ils se faisaient attaquer, il y avait des trous aussi dans leur bateau. Oui, des fois. Et en fait, ils faisaient du troc. Voilà, ça rejoint une ancienne émission ouais, de mais Vita. Ils laissaient pas grand-chose. Oui, c'est vrai. C'est du troc illégal. C'est pas équitable, le troc. Alors le troc n'a pas forcément besoin d'être équitable, mais disons qu'il y en a qui n'ont pas choisi, disons. Dans la piraterie, des fois, t'as pas trop le choix. Le troc, non, clairement, t'as pas le choix. Tu te fais attaquer. Trop ou la vie, c'est ça. Et du coup, pour terminer, on dit souvent que les pirates sont sans foi ni loi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah pas le corsaire, apparemment. Moi, je suis pas trop d'accord. Bon, certes, ça reste un peu des... Je dirais un peu des barbares, parce que bon, on va pas se cacher qui tuent un peu à tour de bras, mais ils ont quand même un peu un côté genre ils respectent l'ennemi vaincu, tu vois. Donc pour tout ils respectent, ouais. Mais c'est ce que j'ai retrouvé dans certains films. Après c'est peut-être des légendes, hein, mais franchement, moi je pas du tout. Ah ouais, pas du tout. Moi je pense que par contre ils sont civilisés au moins par rapport au fait qu'ils vivent sur un bateau toute l'année. Le terme civilisé. Non, mais je veux dire, ils ont comment dire. Ils savent, c'est pas des barbares dans le sens où sur leur bateau ils ont forcément leurs propres règles qui leur permettent de vivre en équipe sur un bateau tout au long de l'année. Donc à mon avis ils se tapent pas dessus tout le temps, tu vois. Ils doivent avoir certaines règles de société, voilà. Et par contre, je pense qu'ils ont un code d'honneur aussi, en fait, finalement. Oui. Enfin, c'est un peu trop large, je pense, de dire le terme barbare. C'est comme les Vikings, on disait, c'est des barbares et tout, mais le barbare, c'est juste l'autre, c'est l'inconnu. Mais en fait, chaque culture a ses propres dogmes, ses propres lois, et je pense que c'est le cas pour les pirates aussi. Ouais. Mais poser la question du respect de la femme, je pense qu'ils devaient pas respecter super bien les femmes. Non, vu qu'elles étaient pas autorisées déjà. Bah, oui, non, déjà elles sont pas autorisées, mais ils les prenaient, ils s'en servaient clairement comme un objet sexuel. Voilà. Clairement. C'est ça. Parce que faut bien se dire, ils passaient des. Alors peut-être pas des mois, mais ils passaient beaucoup de temps en mer. Donc ils abordent un bateau, il y a des gens dessus, et ben ils vont pas les garder en vie, sauf s'ils ont peut-être une valeur. Si c'est un corsaire par exemple, ah bah peut-être qu'ils vont essayer de négocier une rançon ou quelque chose du genre. Mais sinon ils vont normalement les tuer ou peut-être les vendre comme esclaves. Mais il y avait oui, très clairement une hiérarchie, hein, avec le capitaine du bateau et puis les autres personnes et les esclaves, les femmes, enfin bon, oui, il y avait toute une hiérarchie. ils étaient plutôt organisés. Comme disait Laura, il y avait un code établi au sein de l'équipage avec des règles à respecter. Genre les bagarres, c'était pas du tout accepté. Alors, de plus, le partage du butin, il était fait de manière relativement équitable. Même si le capitaine avait toujours un peu plus. Mais sinon, chacun avait une part équitable en fonction de son poste. Et il faisait même des votes à main levée pour prendre de certaines décisions. Donc c'était pas c'était une équipe. Il y avait quand même un peu de discipline, quoi. C'est... Ils faisaient des AG déjà à l'époque. c'est un équipage, c'est pas juste un homme qui décide tout, c'est un équipage qui prend certaines décisions ensemble. Ouais, complètement. Par contre, les autres, c'est clairement, on les défonce les autres. Ah, après, on les cibouille. Vous attendez de faire la bagarre qu'on trouve un bateau ennemi, quoi. En gros, c'est ça. Ouais. Merci Martin pour toutes ces petites précisions. T'avais quelque chose à rajouter ou pas? Non, c'était un plaisir, j'ai terminé. D'accord, très bien. J'ai quelque chose à rajouter par contre, moi. Oui, une blague pragmatique. J'ai une blague pragmatique avec un pirate et un perroquet. Eh bah, allons-y, blague pragmatique. C'est justement, je voulais partir sur une blague pragmatique. Ah bah voilà, on se rejoint. Ah, et pas de jingle. Ah, fallait le mettre avant. Ah mince, je voulais le mettre après. Tant pis. Avant et après, on s'en va. C'est pas vraiment des blagues, mais c'est pragmatique. Alors, allons-y. Alors, quelle est la différence entre un pirate et son perroquet? Eh ben, il y en a un qui... Il y en a un, c'est un humain, et l'autre, un oiseau. Non, vous avez tort. Autre proposition? Il y en a un qui a des plumes et il y en a un qui a des poils. Non. Il y en a, c'est un pirate et l'autre, non. Mais vous êtes très pragmatique, je trouve, mais j'avais une autre réponse pragmatique. La différence entre un pirate et son perroquet, le pirate... non, je recommence. Le perroquet plumé et le pirate veut te plumer. Oh là là, c'est bon ça. Blagues pragmatiques, c'est pas vraiment des blagues, mais c'est pragmatique. Oh là là, non mais c'est bien parce qu'elle est limite pas pragmatique celle-là. Elle est... C'est un jeu de mots en même temps. Ouais, oui, j'avoue. C'est pas que pragmatique des fois. On a été des fois, plus pragmatique. Il y a pragmatique humour noir. Des fois, il y a pragmatique jeu de mots. Voilà, ça change. Et on en aura encore au moins une blague pragmatique avant la fin de cette émission. Reste à l'écoute et dans un instant, on aura aussi une petite review du film Capitaine Phillips. Rien à voir avec les télés. Ça sera présenté par Jolan juste après Benzi. Voici Surfer sur Indestar. L'émission à la maison, c'est sur Indestar. Bienvenue chez vous. Eh oui, bienvenue à la maison les copains et copines du vendredi soir. C'est une émission à la maison, une émission confinée, chacun chez nous, à savoir Teddy, Jolan, Linda, Laura, Virginie, Martin et votre serviteur Théo. Et nous sommes tous sur un bateau pirate ce soir, avec les pirates célèbres dans un instant avec Linda. Et avant, on va parler d'un film qui est le film du Capitaine Phillips. Oui. Et nous avons la télévision sur ce bateau et Jolan qui avait permission hier soir a pu le regarder. Aïe aïe aïe, tu m'énerves avec tes jeux de mots. Bon, déjà ce film, il faut savoir qu'il est tiré de faits réels. Ça s'est réellement passé pour le coup. Du coup, alors je vais vous raconter le synopsis parce que il est quand même prenant hein, ce film. Alors, Capitaine Phillips retrace l'histoire vraie d'une prise d'otage du navire. Navire de marine marchande américaine Maersk Anabanama, menée en 2009 par des pirates somaliens. Parce qu'en fait, si vous voulez, ils sont passés par une côte très dangereuse et privatisée par les équipages de pirates somaliens. Et malheureusement pour eux, lors d'un exercice justement anti-pirate, parce qu'ils faisaient des exercices très régulièrement, ils ont été attaqués dans le même moment. C'est un peu marrant, enfin, c'est un peu con en fait. C'est con, mais du coup, il s'avérait que l'exercice ait fonctionné. Mais malheureusement, même s'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient avec des lances pour chasser les. Comment ils appelaient ça? Les pirates? Les petits. Non, les petits bateaux qu'ils avaient, les pirates là, c'est des. Les barques? Non, les pirogues? Les kayaks? Pas des pirogues, des esquifs, je crois, un truc comme ça. Je sais plus. Les bateaux mouches? Les gondoles. Bon bref, c'est un nom particulier et du coup ils ont essayé de les chasser, de les faire chavirer ils ont pas réussi malheureusement et ils ont réussi à monter à bord du bateau et à prendre le contrôle du bateau navire Et voilà, en fait, c'est tout un scénario qui se met en place de négociations. Après, il y a l'armée américaine qui s'en mêle parce que ça devient une prise d'otage pour le coup, comme je disais au début. C'est très prenant. Il y a la tension, tu la sens du début jusqu'à la fin, quoi. Bon, par contre, ce que j'ai pas trop aimé dans le film, c'est pas très bien filmé par moment. Donc, si vous avez le mal de mer, bah, je crois qu'ils vous le reproduisent à 100%. Bah oui, mais ouais, c'est pas pour moi. S'ils sont sur le bateau. Hein, c'est peut-être voulu, hein. Bah oui, bah, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais ça m'a donné un peu la gerbe, quoi. Donc, bon. Mais sinon, le film est vraiment bien. Et puis, entre autres, j'aime bien Tom Hanks. Il a un charisme incroyable dans ce film. Donc, allez le voir. Bon, il est un peu violent. C'est... Bon, vous savez toujours comment ça se passe la fin d'une prise d'otage, hein, malheureusement. Mais, bah non. Les otages sont morts. Ouais. Mais, quoi ? Les otages sont morts, du coup. C'est un film qui est récent ou pas? Non, le film il date de... Attends, j'ai la date sous les yeux. Il date du 20 novembre 2013. Et le tournage a coûté 218 millions de dollars. C'est quand même assez conséquent. Mmh. C'est un film qui dure 2h20, il me semble, si je ne vous dis pas de bêtises. Plutôt long comme film. Donc, plutôt long. Donc, si vous avez le temps et que vous aimez bien les films de piraterie, je vous conseille d'aller le voir parce qu'il est noté soit le... Oui, c'est plus dans nos temps à nous, mais il est noté 4,5 sur Allociné, donc il est C'est un bon film. C'est un bon film, il est aimé par 93% des utilisateurs, pardon. Un bon film qui peut compléter une bonne émission de radio sur les pirates, par exemple celle de ce soir. C'est exactement ça. Et en plus, il a été récompensé aux Awards American, il a eu un Oscar du meilleur scénario. Mm-hmm. Donc, franchement, c'est un film, que je vous conseille. Voilà. C'est assez marrant, le gars. Lui aussi, il est très cool. Et tu l'as vu aussi? Ouais. T'as vu, il prend de clip un peu quand même, le film. Ouais, t'es vraiment happé dedans, Tom Hanks, super bien. Mmh. Attends, qu'est-ce qui nous a le plus marqué en fait dans ce film? Est-ce que c'est le fait, enfin, l'immersion au sein des pirates? Bah, après, tout le truc, moi je voudrais vous en parler, mais le problème c'est que si vous n'avez pas vu le film. Sans spoiler, c'est compliqué en fait, parce qu'il y a des scènes qui m'ont marqué et je vais forcément spoiler le film. C'est certaines scènes en fait du film qui t'ont particulièrement marqué. Moi, c'est la seule qui m'a marqué, c'est la prise d'otage. D'accord. Ouais, voilà. Quand ils embarquent sur le bateau, tu vois là, tu sens la tension qui commence à monter et puis. Et du coup, ça fait partie du scénario et c'est vrai ça. Et si on n'en finit plus, la tension elle dure pendant tout le film. Rien que d'en reparler, j'en ai des frissons déjà. Oui, mais ça s'est vraiment passé, ça. C'est terrifiant, la panique qu'ils ont, les mecs. Julien, tu disais que c'était tiré d'une histoire vraie, donc ça s'est. Ça s'est vraiment passé. Et ils ont eu l'Oscar du meilleur scénario. Oui. Ah oui. Ils ont vraiment bien reproduit du début à la fin. Si on cherche. Ouais, mais. Oui, certes. Si on pousse plus loin, si on a envie de s'amuser à pousser plus loin, les gars, ils ont quand même récompensé quelque chose qui se sont passé réellement. Donc, qu'on n'a rien inventé. En fait, ils ont récompensé le scénario parce que ça a été bien retracé. Quoi. C'est la mise en film qui est retracée. Non, mais t'as raison, Teddy. Je trouve ça assez drôle quand même. Non, Teddy a raison, enfin, dans le sens, oui, on a raison. Il y a des films qui sont romantisés, ça se finit pas forcément comme ça, donc oui, il a raison de le souligner. Non, mais oui, voilà, Teddy, le prix du meilleur scénario pour un truc qui s'est vraiment passé, mais c'est surtout le fait de le mettre en film, parce qu'on peut partir d'une histoire vraie. Meilleure adaptation ou genre de truc, mais pas. Meilleur scénario, toi, je trouve ça un peu trop abusé, tu vois. Plein de parties importantes, ouais. En tout cas, le film est vraiment prenant du début à la fin. Donc, si vous voulez de l'action, du suspense et de la tension, vous avez là un bon mélange des trois. Martin, tu as plus marqué, toi? Moi, ça fait un moment que je l'ai vu, donc j'ai pas d'image précise, mais je me souviens de la tension complètement palpable et qui dure tout le long. Quoi. Tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? Et même quand t'as l'armée américaine qui intervient, tu sens la tension au bord du navire américain parce que leur objectif, eux, c'est de sauver des vies, quoi, tu vois. Donc, la tension, elle est vraiment permanente. Je vais leur re-regarder, je pense. Ouais, franchement, ça vaut le coup. Tu nous rappelles le titre du film, Jolan? Le Capitaine Phillips. Capitaine Phillips, donc film à conseiller par l'équipe d'Indestar et à aller voir ou à revoir d'ailleurs. Si qui est disponible, ce que disait Martin, il est disponible sur Netflix. Hein, voilà, donc ouais, en plus c'est la bonne période, hein, si vous êtes confiné à la maison et voilà, que vous avez envie de vous faire un bon film de pirates, bah, c'est le moment de revoir le Capitaine Phillips. Les pirates célèbres, on en a déjà un petit peu parlé depuis le début de cette émission, mais c'est pas fini, on va faire un petit récap aussi avec Linda dans un instant, mais avant on a pirate à nous, Alexander Stewart, Stewart, c'est pirate de l'air. Belle dancing sur Indestar dans cette émission spéciale pirate. Et juste à signaler qu'avant la fin de cette émission, ne loupez pas la dernière blague pragmatique de Laura aussi, elle sera là. Attention, en fait, là. Dès 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar. Eh ben oui, on est bien tranquille à la maison pour cette dernière émission de la semaine, émission confinée, mais émission pirate surtout, c'est le thème de la soirée. Et avec Linda, on a quelques-uns des pirates célèbres. Quelques petites histoires peut-être, Linda. Alors, je vais vous raconter des anecdotes un petit peu aussi, c'est super. Anecdotes. Vous allez voir, oui, des pirates, il y a toujours des anecdotes qui vont avec. Alors, je vais vous parler du premier pirate, c'est Edward Tish, dit Barbe Noire. C'est un pirate britannique né en 1680 à Bristol, situé dans le sud-ouest de l'Angleterre. Et son surnom, donc, à votre avis, pourquoi Barbe Noire? Parce qu'il avait une barbe noire. Effectivement, il avait une barbe noire qui était épaisse. Il cherchait bien loin. C'est alors, très pragmatique, exactement. Elle n'était pas seulement noire, elle était épaisse en plus, ce qui servait à son charisme et sa réputation. En fait, quand on voyait, on savait que c'était Barbe Noire. Ou à s'essuyer après manger. Capitaine, c'était t-shirt rouge. Voilà, c'est ça. Et du coup, est-ce que quand, enfin, il a vécu combien de temps ce monsieur? Parce que au fur et à mesure qu'on prend de l'âge, et il y aurait des poils blancs. Est-ce que après il s'est fait une barbe au poivre et sel? Peut-être bien que oui, effectivement. Mais alors, il avait une autre chose qui était un peu étrange, c'est qu'il avait l'habitude de mettre des mèches à canon allumées dans ses cheveux lors des combats. Très étrange. Oui. Il est taré, lui. Il est spécial, voilà. Ouais. N'empêche que son navire s'appelait le Queen Anne's Revenge et qui comptait 40 canons et jusqà 350 hommes à bord. Waouh, quel navire. Un beau navire, quoi. Voilà. Ah bon, il y a des gens qui sont du beau navire. Hein. Il était un peu allumé, il faut le dire, hein, n'est-ce pas? Allumé, n'est-ce pas? Oh, bien joué. Très pragmatique. Le deuxième pirate qui se prénomme Bartholomew, si je dis bien, Robert. Ouais. Alias Bart, le noir. C'est espagnol. Le noir et pas Barbe Noire, attention. Non, Bart. C'est aussi un pirate britannique né, lui, en 1682, deux ans après. Et donc, Black Bart est l'un des pirates les plus célèbres de son époque. Et vous savez pourquoi, à votre avis? Non. Eh bien, parce qu'il a tout simplement eu la meilleure carrière de pirate, le meilleur pirate qu'il soit. Il a capturé 400 navires en seulement deux ans. Ah ouais, vache, il a pas chômé, hein. Ouais, en fait, c'est les Beatles, c'est des pirates, quoi. C'est le meilleur, voilà. C'est la référence. Ouais, ils étaient un petit peu moins cool, hein, que les Beatles, mais... C'est vrai. Alors, pour le dernier pirate vrai, parce que je vous parle de vrais pirates, là, ce sont des vraies histoires, le dernier est français, et il s'appelait François Ollonet. Et pourquoi Ollonet? Je voulais dire François le Français. Non, du tout. Oui, alors, François Ollonet, le Français. Dites-moi, vous allez trouver, si vous réfléchissez bien, pourquoi Ollonay? Parce qu'il pue le long. Non, j'ai dit qu'il était français, vous n'écoutez pas. Il est polonais, Billy. Ollonay. Vous ne trouvez pas, vous voulez la réponse? Ah, il a le long nez, oui. Ouais, il a un grand nez. Ollonay, non. Ollonay. Mais c'est vrai, c'est pas... Quand je vais vous dire, vous allez dire... Pas besoin de la grande vue, on voit Ollonay. Vous savez quoi, quand je vais vous dire, vous allez dire, ah, mais oui. Bon, non. Allez, je vous le dis. Donc, il était français et il était né au Sable d'Olonne, tout simplement. Oh, oui, oh là là, mais bien sûr. Rien à voir avec son nez, voyez. Mais c'est pragmatique, donc, ça. Mais oui, bien sûr. Je suis une amie de Laura, vous croyez quoi? Mais c'est comme moi, on pourrait m'appeler Laura la Tourangelle. Très pragmatique. C'est un pirate qui est donc né en 1630, vers 1630, parce qu'à cette époque-là, on savait pas trop, il n'y a pas de... Ah, vraiment? Voilà. T'es né aux environs de tel siècle. Voilà, c'est ça. Il était considéré comme l'un des pirates les plus sanguinaires et cruels toutes époques confondues. Et oui, et il était surnommé le fléau des Espagnols et ne faisait jamais de prisonniers. Voilà, on comprend pourquoi. Hein. J'aime bien celui-là. Tous, quoi. Bah ouais, il est tué, ouais. Mais et comme c'est un. Il n'y avait pas de monnaie d'échange humain, en fait. Non. Tout à l'heure, Laura disait qu'il y a certains. Ah bah là, lui, je pense pas qu'il avait de code d'honneur, lui. Hein. Non, c'est ça. Lui, il tuait tout le monde. Bah, et en fait, code. La vie s'est vengée sur lui parce qu'en fait, il a fait naufrage en 1669 sur la côte de Darien, au Panama. Mais attendez, il aurait été capturé, puis haché, rôti et dévoré par des Indiens cannibales. La classe. Un petit hachi d'Olonnais, ça vous dit? Exactement. Maintenant, je vais vous parler de mon pirate favori, puisque tout à l'heure, au début d'émission, on en a parlé, mais moi, je vous l'ai pas dit. Et je vais vous donner des phrases pour que vous trouviez un petit peu quel est ce pirate. Si je vous dis, est-ce que je rêve? Non, je m'en doutais. S'il y avait du rhum, si je rêvais, il y aurait du rhum. Pardon, excusez-moi. C'est le Captain Morgan, la marque de rhum qu'a cité Martin tout à l'heure. Non, du tout. Alors, ça parle à personne, cette petite réplique? Alors, moi, la réplique me parle pas, par contre, la musique me parle. Ah oui. Moi, la réplique, je l'ai, la réplique, ouais. Alors, si je dis Capitaine Jack Sparrow, pour être précis. C'est Jack Sparrow, c'est Pirates des Caraïbes. Ou alors. Pirates des Caraïbes. Ne faisons pas les ignorants. Que cette journée reste à jamais celle où vous avez failli capturer le Capitaine Jack Sparrow. Pharaon. Alors pour le coup, je sais pas si notre très cher Teddy a mis le petit son. Mais bien sûr que si. Attends, on attend depuis tout à l'heure. Super. Alors super, merci. Et du coup, je voulais revenir sur le capitaine Jack Sparrow. Il faut savoir que Sparrow signifie moineau en anglais. Ah ouais. Voilà. Je crois que c'est plutôt mignon finalement. Tu voulais pas dire le capitaine Jacques Moineau, oui, quoi. Jacques Moineau. Un pirate de douce. Je me présente, Jacques Moineau. Je suis le moineau. Pour vous dire mon secret, j'adore Jack Sparrow tout simplement parce qu'il est interprété par Johnny Depp, évidemment. Ah, oui, le grand acteur. L'ex-mari de Vanessa Paradise. Ouais. Voilà, ah, comment il balance ça. Ouais. Ah, quand même. Oui. Je préfère et dire partenaire de Tim Burton, mais c'est plus drôle. Hein, j'aime bien Vanessa Paradise. Ok, et donc le premier film quand même de ce... Parce qu'il y a eu plusieurs films de Pirates du Caraïbe. Le premier titre, c'était La Malédiction du Black Pearl en 2003. Non, oh, il date. Bah je crois que c'est celui que j'ai vu, mais j'en ai... Mais c'est le premier, hein. Ouais, mais il a 16 ans, le premier. Bah écoute, il paraît. En vrai, ouais, hein. Ça date, hein. Également. Je me sens vieux d'un coup. Et oui. Et donc, Black Sparrow, c'est le seigneur pirate de la mer des Caraïbes et on apprécie sa liberté et il a une vie de boucanier. Est-ce que vous savez ce que c'est un boucanier? C'est aussi un pirate, mais avec une autre différence. C'est juste la façon dont... Ouais, non, c'est juste le nom d'un aventurier pirate des Antilles dans les Caraïbes, en fait. Un boucanier, c'est un pirate. C'est voilà, très un précis, aventurier. Hein. Faut être pirate dans les Antilles, aventurier. C'est... Pour être un boucanier, ouais. Donc, et donc en fait, tu peux être boucanier que si t'es des Caraïbes, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, il faut aussi boire du rhum, par exemple, et séduire des femmes en cherchant des trésors surnaturels, comme dans Pirates des Caraïbes. C'est tout moi, ça. Mais oui. Et il a un autre but. Grand boucanier, c'est aussi de récupérer le navire, le Black Pearl, évidemment. Le magnifique Black Pearl. Tu l'as vu quand même, combien de centaines de fois ce film? Ah non, je l'ai pas vu des centaines, mais je craque pour Johnny Depp depuis toujours. Vous donc, me faites chier là, j'ai envie de le revoir du coup. Ah ben voilà, je regarde, c'est pas le film Linda. Là, vous voyez, ce que j'ai envie de faire, ça, c'est, demain, c'est d'aller m'acheter une bouteille de rhum et me mater. Non, mais abuse pas. Allez, on fait ça. Non, mais je déconne. Non, mais, et pourquoi sur une des stars. Mais j'ai envie de me mater, les Jack Sparrow. J'ai une autre info super intéressante sur le film, en fait. Il faut savoir qu'à la base, Jack Sparrow n'était pas du tout le personnage principal du film à la base. Le personnage principal devait être William Turner, joué par Orlando Bloom. Et en fait, le jeu de performance de Johnny Depp a fait que ça a changé la donne. Et il a été le meilleur personnage du film, qui lui a valu une première nomination aux Oscars, en fait, grâce à cette prestation. C'est là que tu as commencé à percer ou... Bah oui, il s'est fait connaître bien avant, mais ça fait partie de ses meilleurs films. Voilà. Je peux même rajouter, si tu me permets, Linda, pour la musique que tu as choisie, c'est la musique la plus emblématique de Pirates des Caraïbes. C'est le premier. elle a été tellement elle a marqué en fait, elle a tellement marqué les esprits que des DJ l'ont remixé. Notamment Sydney Housen. Je sais pas si vous le connaissez, Sydney Housen, c'était un DJ qui faisait fureur, peut-être qu'il fait encore fureur, je sais pas, mais bon, j'en entends plus parler en tout cas. Et il l'avait remixé et dans le clip, il y avait même des Lego. Et c'était génial. J'adore ce clip. Les Lego, c'est les pires ennemis que tu peux trouver sur ton passage. Mais tellement sur la marche. Oui. Mais bon, ce remix, il est génial. Voilà. Et donc, pour conseil, le petit conseil musical, terminé, dit, donc, c'est rare, mais ouais, très rare. Le conseil, ça sera de se remater toute la fiction de Pirates des Caraïbes. Je vais devoir la mater demain. Hein. Ça inspirait Joël, en tout cas. Je suis sûr que c'est pas le seul. Ouais. Ouais. Si je te dis que j'en ai jamais vu. Moi, je pensais qu'il y en avait qu'un en Pirates des Caraïbes, donc déjà, je suis pas à la page du tout. Je crois qu'il y en a au moins 5-6, non? Il me semble. Il y en a 6, il y en a 4. Non. Ah non, c'est plus en 4. Hein. Attends, oh, je vais vous dire ça. Ouais, si quelqu'un peut vérifier, mais. Si je te dis, Linda, que j'en ai vu aucun. Aucun? Ah bah. Moi, j'en ai vu aucun non plus, mais c'est vrai que ça me donne envie de regarder maintenant. Ouais. Alors, pour ma part, il me dit qu'il y en a 6 en tout. Ah, tu vois, j'en étais pas loin. Mais à ce qui paraît, les derniers sont moins bons que les plus. Mais oui, bien sûr. Ça paraît logique. Je vous avoue qu'au dernier, j'ai décroché un peu. Hein. Mais moi aussi, j'avais décroché bien avant déjà. Déjà, au 4, ils avaient perdu pas mal d'acteurs principaux. Bah oui. Je sais plus ce que c'était, la foutaine de Jouvence, cette petite connasse. Ouais, non, mais en fait, souvent ils poussent à fond. Enfin, quand il y a un truc qui marche, c'est 3, 4, 5, 6 épisodes. Ouais, déjà, tu te dis que la fin, en principe, c'est moins bien, ouais. Mais vous vous rendez compte qu'on dit toujours la même chose, en fait, sur tous les films, c'est la même, quoi. Bah oui, mais parce qu'après, il y a une licence qui marche. Et d'ailleurs, en rantaine, tout à l'heure, on parlait de toutes les licences. Qui sont issus de films des licences à succès ou des jeux vidéo qui sont issus de films ou des toutes ces choses là et en fait oui, à partir du moment où tu as un nom, tu as une licence, un super film où tu as injecté du budget, que tu as mis un bon scénario, etc., et que ça a fonctionné, tu te dis que derrière il faut faire vivre la licence et tu l'as déjà, c'est déjà acquis que tu vas avoir un certain public pour la suite, donc tu pousses le truc, sauf qu'au bout d'un moment il y a du budget pour faire les films, mais on l'injecte pas trop dedans parce que la licence suffit à faire vivre le film et même si on n'a plus d'idées, on continue à en faire parce que ça rapporte du fric. Donc quand l'argent prend le dessus sur le talent, malheureusement ça fait des fins de série qui sont beaucoup moins bonnes. Quoi. Et du coup, tu parles de licence, mais pour en rajouter un petit coup, à Disneyland Paris, il y a une attraction qui est dédiée complètement à Pirates des Caraïbes. Oui. D'ailleurs, tu parles de l'attraction du... Mince, la montagne russe, là Non, c'est pas une montagne, c'est un... C'est un genre de bateau et tu regardes le décor. Il y a 2-3 passages un petit peu plus sympa dans le noir et tout, mais sinon c'est faisable en vrai. C'est pour les familles quoi, c'est familial. Ouais. D'accord, parce que moi j'ai fait un truc où il y avait le thème Jack Sparrow et j'ai cru que j'allais vomir. Donc ça ne peut pas être à Disney. Non mais si, il y en a un qui est assez à forte sensation, mais Linda, je sais pas si tu peux me confirmer cette information, mais j'avais ouï dire que en fait le film a été produit après le manège. Probable. Ouais, c'est peut-être. Je crois qu'il y a une histoire comme ça, c'est à partir du manège qu'a été produit. Après il a été aménagé, amélioré, je suppose, dans le temps après le film, puisqu'ils ont rajouté carrément un squelette avec de Johnny Depp en pirate dedans quoi. D'accord. Oui, parce que... Ils n'ont pas eu la chance de le faire, franchement cette attraction est sympathique. En fait, si ça se trouve, ils avaient une attraction de pirate classique, on va dire, et en fait ils ont sorti le film et ils ont remodifié légèrement en mettant Black Pearl dessus, voilà, et paf, c'est Jack Sparrow. La licence, comment? Ouais, voilà. Oui, bien sûr. Ah oui, parce que Linda a été voir l'attraction uniquement pour voir le squelette de Jack Sparrow, parce que Jack Sparrow est beau même de l'intérieur. C'est ça. Il est magnifique, regardez-le, franchement, et puis en plus, il a un jeu, franchement, vous n'aimez pas? Il est drôle, il a de l'humour, et en même temps, c'est un pirate. Voilà, donc c'est magnifique, moi j'aime bien. Alors, il est drôle, c'est comme drôle, mais au sud de la France. Voilà. J'adore ton accent, Linda. C'est vrai que je le découvre ce soir. Il y a plein de mots comme ça, on discerne. Elle est drôle. C'est ma marque de fabrique. Exactement. Merci beaucoup, Linda, pour tout ça. Dans un instant, on va parler de One Piece avec toi, Teddy. Oui. Avant d'un Romain Huguetto, et juste avant, on a une blague pragmatique racontée par Laura. Oh, bon, ouais. Oh, blague Jingle. Pragmatique. Oh, j'y suis. Les blagues pragmatiques, c'est pas vraiment des blagues, mais c'est pragmatique. Pragmatique. On va le connaître par cœur, ce jingle. On l'adore. Blague pragmatique, made in Laura sur Indestar. Alors, en fait, c'est pas vraiment une blague, mais on va dire c'est plutôt une petite réflexion pragmatique. Mais j'allais pas changer le jingle juste pour ça. Obligé. Alors. Oui, c'est ça. Il faut payer les gens. Bon, j'ai pas d'argent. Bref. Bah, en fait, je me disais tout à l'heure, en écrivant les blagues pragmatiques, ah, c'est marrant, parce que les pirates, avant, ça voguait sur l'eau, mais aujourd'hui, les pirates, eh bah, ils surfent sur l'Internet. Exactement, ils ont toujours fini au chômage à un moment donné. Pragmatique, c'est pas vraiment des blagues, mais c'est pragmatique. Voilà, voilà. Lola Jingle m'a coupé, c'était très bien comme ça. Romain Huguetto, dernière danse, reprise de Kyo du début des années 2000 sur Indestar. D'ailleurs, il y a un album de Romain Huguetto qui retrace un petit peu à sa sauce les années 2000. À découvrir, artiste Indestar bien sûr, et One Piece qui arrive derrière pour terminer, clôturer cette soirée spéciale pirate. One Piece qui est un peu le manga, si j'ai bien compris, qu'on ne peut pas rater quand on rentre dans l'univers manga animé, hein, c'est ça, Teddy? Oui, effectivement, parce que j'avais coupé mon micro. D'accord, très bien. Oui, j'avais déjà tout prêt. Ah, moi j'étais parti, hein. Non, oui, One Piece. Dernière danse sur Indestar. Oui. D'ailleurs, j'en profite pour dire, ça va pas être Romain Huguetto là. C'est Black Tears, Ends of the Oppression, and I'm Free. Oh là là. Ah bah parce que tu m'as enlevé Romain Huguetto. Bah non, j'y ai pas touché, mais il y a pas de Romain Huguetto. Regarde, hop, il est là. Et bah voilà. Ah bah il est apparu. Ah, c'est la magie. J'ai dit, apprends à se servir de logiciel en même temps. Bienvenue sur Indestar, les gens. Vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Tranquillement à la maison sur Indestar. On profite de la soirée avec une émission, si vous venez de débarquer, spéciale pirate. Justement, vous venez de débarquer ou vous êtes sur le navire encore, hein, pour les attaquer, les ennemis. Spéciale pirate corsaire et tout ce qui va avec. Et si vous avez loupé le début de cette émission et que vous voulez la réécouter, elle sera très bientôt disponible en podcast. On va parler pour terminer d'un manga animé qui s'appelle One Piece. Alors peut-être que vous connaissez déjà ce nom. Je connais. C'est le D'ailleurs, tu faisais le, pardon, je t'interromps, tu faisais le petit teasing tout à l'heure du premier manga à ne pas louper quand tu rentres dans le monde animé. Figure-toi que j'ai commencé par ça. Je pense que tu n'es pas seul à avoir commencé par One Piece, parce que d'après les dires de Teddy, parce que je ne suis absolument pas à caler dans ce domaine, mais c'est l'un des animés les plus connus au monde. Hein, oui. Tu n'as pas commencé par les animés, mais j'ai commencé par les mangas, et après par les animés. Voilà. Wow. Oui, parce que c'est tout un univers. Il va chipoter en plus. On a bien résumé le sujet, c'est tout un univers. Ah, c'est bon. C'est connu, c'est tout ça. C'est tout un univers effectivement connu. Alors, One Piece, c'est un manga de base, évidemment, comme l'a dit Jolan. C'est un manga qui est sorti en 97. Au Japon, évidemment. Le nom de l'écrivain ou de l'artiste Le mangaka, comme on dit. Mangaka. Ah putain, oui, pardon, je cherchais le nom. Enshiro Oda. Merci. Il est pas mort. Toujours, que tu veux savoir. Ah non, 97, c'est pas si vieux. Donc. Non, mais c'est que les noms sont toujours imprononçables en fait. Donc, Non, c'est normal, c'est des japonais. Lui, il s'appelle Oda. Quand on parle entre nous, entre gens qui aiment les mangas, on va dire, on l'appelle Oda. Voilà. Donc du coup, ça va. Donc, et Oda, pas Maître Yoda. Et pas Maître Yoda. Lui, c'est Maître Oda. J'aime mais oui, beaucoup. C'est un maître quand même dans son art, hein, mine de rien. Je pense que il a détrôné Maître Yoda. Hein. Maître Yoda, tu sais, mais si, t'avais Mace Windu. Mais si. Attention. Je sais pas moi. Est-ce qu'il a détrôné Maître Gims? Franchement, sans doute, largement. Enshiro Oda, c'est un que Maître Gims ne se fait même plus appeler Maître Gims maintenant. Il se fait appeler Gims, attention. Ah ouais, parce qu'il a été détrôné. Il n'est plus maître. Tout ça pour dire qu'Oda, c'est un cador. C'est l'un des maîtres dans son art. Il a su pousser son manga le plus loin possible. Et d'ailleurs, c'est même pas fini encore. Hein. Il les écrit encore. Même si toute l'histoire est déjà... comment dire? Il a déjà fait le scénario de son histoire jusqu'au bout. Il connaît la fin. Mais nous, non. Jusque-là, ça paraît normal. Alors là où est-ce qu'il en est? On va revenir aux bases des bases. On est en 97, ça sort au Japon, c'est cool, on aime ça, enfin du moins au Japon. Nous, en France, on reçoit ça quand dans les années 2000. Le premier manga, il est sorti le 1er septembre 2000, donc à la rentrée. Ça n'a pas fait un grand carton au début. Hein. C'était petit. C'était, enfin, petit. Petit dans l'univers des mangas, ça veut dire... ça marche. Ouais, c'est, ça s'envole. En gros, il commençait à faire sa place, quoi. Oui, parce que dans les années 2000, les mangas, c'est pas non plus très développé. Les mangas papier, en tout cas. C'est pas ouf. Ouais. Je pensais que c'était, tu vois, comme quoi j'y connais rien du tout en manga. Bah, c'est pas dans les années 2000. En dessin, ça fonctionnait déjà. Je suis désolée, moi, quand j'étais petite, j'en regardais déjà, j'étais toute petite. Hein. Là, non, je parle pas des animés, je parle des mangas. Attention, j'ai dit les mangas. Des livres. Les animés, ça commençait à marcher, ça commençait à s'envoler bien comme il faut. Les mangas, un peu moins, parce qu'il fallait traduire du japonais au français, et ça, on le faisait pas forcément. On s'emmerdait pas. Les animés, ouais, c'était plus simple. Il est doublé de la façon Dorothée. Donc tu vois, il les faisait, on va dire, approximativement. Les mangas, un peu moins. Ça a été un peu plus tardif. Mais bon. Mais les doublages français et japonais sont incroyables. Hein, Alors, incroyables, non. Légendaires, oui. Quand tu les vois en backstage, en vidéo, c'est. Je trouve ça incroyable. Tu parles desquels? Des récents ou des premiers, on va dire? Des tout premiers. Bah. Ouais, je pense que, franchement... Il y en a qui sont pas mal, je trouve, en soi. Franchement, non. Non. Bon. Non, t'as pas le droit de dire ça. J'ai même pas connu... Le... Non plus, hein. Bon, le ouais, parce que nous, on est génération Dorothée. Non, mais je veux pas critiquer, Dorothée, et personnellement, je vénère Dorothée, parce que sans elle, on n'aurait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Clairement. C'est vrai. Mais par contre... Grâce à elle. Faut bien avouer que... Dorothée, c'est grâce à... Oui. Voilà, Philippe Azoulay, à des productions et tout, et compagnie. Oui, qu'ils ont produit, oui. Mais bon, faut bien dire que la qualité des doublages français était vraiment nulle à chier. Heureusement qu'ils étaient là, mais franchement, c'est nul. Bah, heureusement qu'ils étaient là, parce qu'on aurait jamais pu regarder... Je n'irai pas. S'il faut la refaire, faut refaire la même chose. Parce que, bah, je sais pas, ils avaient pas meilleur moyen. Par là, oui. Hein, bah, ils faisaient qu'avec les moyens qu'ils avaient. C'est tout. Et ils ont amené un truc nouveau en France. En France, on n'est pas très ouvert. On va dire, à l'époque, on était peut-être pas très ouvert. Là, le manga, grâce à eux, en tout cas, le manga. Le manga sur le sol français. Enfin, mais oui, c'est ouais. Tous les jeunes, on va dire, de mon âge, allez, voilà. Tous les jeunes en plus, hein, ont déjà regardé des mangas, ont déjà lu des mangas, ont déjà regardé des animés. C'est un classique chez nous. Maintenant, on a même des mangas français qui marchent. Alors, c'est doucement quand même, mais ça marche. Voilà. Mm-hmm. Mais bon, pour en revenir à One Piece, c'est un manga de pirates, parce que sinon je ne serais pas dans le thème, évidemment. C'est l'histoire d'un petit gamin, tout petit, il a... Je sais plus quel âge, je m'en fous. Il s'appelle Luffy, Monkey D. Luffy. Il va manger un truc qui s'appelle un fruit du démon. Donc c'est... Ne demandez pas pourquoi ça s'appelle fruit du démon, on le sait pas encore. Mais bon, le fait est que ce fruit, ça donne un pouvoir. Et un malus. Très important, le malus. Le pouvoir, c'est un peu au hasard. C'est un peu du aléatoire. Et lui, le fils, celui qui va manger, ça va lui donner le pouvoir d'être tout en caoutchouc. Il pourra allonger ses bras, je sais pas, se plier dans tous les sens. Enfin bref, un homme caoutchouc. Genre, comme, c'est un peu Monsieur Koro avec ses tentacules. C'est un peu ça, Monsieur Koro, Assassination Classroom. Mais sinon, pour les moins connaisseurs, comment il s'appelle le gars dans les 4 fantastiques là qui, un homme caoutchouc, quoi. C'est la Batman, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Comme dans Les Indestructibles, la maman qui a les bras. Voilà, aussi, ouais, c'est ça, exactement. Madame Elastigirl. Oui, c'est exactement ça. Exactement. Il a les mêmes. Ça me rappelle mon enfance, et Linda et Virginie, à mon avis, vous avez connu ça dans les années 90, où il y avait les petits bonhommes, justement, en élastique, en caoutchouc. Que tu collais aux fenêtres, là. Collais aux fenêtres et qui faisait du son d'air. Oui. Et ben, Luffy peut coller aux fenêtres, effectivement. Il peut se coller partout. Par contre, il y a un truc qu'il peut pas faire. C'est le fameux malus de ce fruit du démon. Il ne peut pas nager. Comme je connais le manga. Il peut pas nager. Et ça, pour un pirate, faut bien l'avouer. Ah bah c'est un peu. C'est ballot. Donc en gros, dès qu'il tombe dans la mer, en fait, il est paralysé. Il bouge plus. Ah. C'est con. Et du coup, il coule à pic. Il coule à pic. C'est comme les premiers GTA où quand tu tombais dans l'eau, tu coules. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, tu nages pas. En vrai, il pourrait grandir ses jambes jusqu'à toucher le fond. Ah bah oui. Non, parce que les pouvoirs ne marchent plus dans l'eau. Ah. Par contre, alors, il marche plus dans une mesure où il peut plus les activer lui-même. Mais lui, vu que c'est un fruit du démon un peu spécial, c'est ce qu'on appelle un paramécia. En fait, ça modifie sa structure corporelle, si j'ai envie de dire. Donc, en gros, il est tout mou, de base. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Il est tout mou. Et à un moment donné, il va tomber dans l'eau. Il va être coincé dans l'eau. Et pour que ses camarades le font ressortir de là, ils vont pas avoir assez de temps. Donc, ils vont juste prendre sa tête et ils vont la tirer hors de l'eau. Donc, lui, il pouvait pas bouger, il pouvait rien faire, il pouvait pas utiliser ses pouvoirs. Par contre, les autres ont pu profiter du fait qu'il soit élastique pour sortir sa tête. Ils ont juste sorti la tête. Ouais, mais comme ça, il peut respirer, ça va. D'accord. C'est cool. Bon, et ça, sinon, c'est... pourquoi il le pêche pas comme un poisson, genre avec un petit filet? Parce qu'il est pas censé tomber à l'eau. C'est un pirate? Non, mais alors, les pirates savent nager généralement, c'est même, je dirais même. Basique. T'es obligé de savoir nager pour être pirate. Sauf que ceux qui ont des fruits du démon, ils ont un gros pouvoir. Mais ça implique de grandes... Non, c'est juste que tu peux pas nager, quoi. C'est con, mais c'est comme ça. C'est si c'était une condition, en fait. T'as les pouvoirs, t'as quelque chose en plus, il te faut quelque chose en moins. C'est ça. T'es dit, tu peux nous expliquer, il a pas du tout une dégaine de pirate, hein, en vrai. Non, il a une dégaine d'enfant, parce que dans l'univers One Piece, quand Luffy va se lancer dans la piraterie, déjà, il était très très jeune quand il a mangé son fruit du démon. Après, l'histoire commence vraiment genre 10 ans après, hein, donc voilà. Mm-hmm. Mais il a, je crois qu'il est même pas majeur, je crois qu'il a 17 ans quand il commence son voyage. Ouais. La piraterie, ça se développe, il y a une grosse vague de piraterie parce qu'il y a ce qu'on appelle le roi des pirates. Il s'est fait tuer et il a dit des phrases mythiques, enfin un discours mythique. Mon trésor, si vous le voulez, je vous le laisse, venez le chercher, je l'ai caché quelque part, ainsi de suite. Il a dit ça à la c'est télé. Vrai que ça c'est mythique, hein. Oui, ouais, non, mais c'est moins mythique quand c'est moi. Mais il le dit à la télé devant tout le monde. Alors c'est pas vraiment des télés non plus, c'est des escargots téléphones, télé, ouais. des visio escargophones. Tout ce qui est technologique, c'est des escargots. Genre le téléphone, c'est des escargophones. Les caméras, c'est des visio escargophones. C'est assez drôle. D'où le bigophone, quoi. Le bigophone. Ah, le bigot. Je connais pas, c'est là. Bon, d'accord, ok. Je connais pas. Ça doit être trop antique pour moi. Non, je... Mais t'as jamais entendu même cette expression, un coup de bigot? Bah oui. Ah oui, on te passe un coup de bigot, enfin. Bah non, bigot pour moi. Entendu. Pour moi, bigot, c'est un chocolatier de mon. Excusez-moi, j'ai pas compris qui a dit je connais pas. C'est Laura ou c'est Linda? Moi, je connais pas. Laura. Laura a été dit. Coup de bigot. Mais c'est normal, Laura a été dit. Ah, quoique Martin, il. Et encore plus jeune. Ouais, non, peut-être. Il a le même âge. Et Jolan aussi. mais c'est parce qu'en fait, dans sa région, on utilise encore des vieux. Et moi, j'ai l'impression que tous les jours, j'apprends des mots de patois. Enfin, genre, je sais pas, on parle jamais en patois, quoi. Bah, ouais, nous, on n'a pas de patois. Pourquoi? C'est pas assez pragmatique pour moi. La fin de cette émission, on se dira la revoyure, mais pas pour le moment. Et t'as dit, dis-moi, il a des genres de sabres? C'est un pirate avec des sabres? Alors ça, c'est pas Luffy. Ça, c'est son équipage, mais on va en venir après. Ça, c'est mon personnage préféré. C'est celui que j'ai annoncé, c'est Rorona Zoro. Alors, pour faire la petite parenthèse, Luffy, lui, c'est l'homme caoutchouc. Il est capitaine de son bateau, logique. Après, il va se former un équipage. Ils vont être plus ou moins, ça dépend où est-ce que t'es dans le manga ou à combien tu avances. Mais l'un des membres de base qui récolte en premier, enfin qui recrute en premier, c'est Rorono Azoro, un gars qui veut devenir le meilleur escrimeur au monde et qui se bat avec trois sabres. D'où mec mon amour pour cet homme, hein? C'est le mec aux cheveux verts, là. Le mec aux cheveux verts qu'on appelle tête de cactus, pour être gentil. Tu triches, Linda. Alors, oui, ouais, t'es renseigné. Je découvre avec internet en même temps que Teddy. D'ailleurs, si vous voulez, pour la petite info, ce gars-là, j'ai déjà fait son cosplay avec trois sabres dans des conventions de cosplay. Enfin, genre à la. Est-ce que t'aurais des photos à mettre la photo sur Instagram? Je dois avoir des photos, faut que je retrouve ça, mais généralement, c'est pas moi qui prends les photos, donc. Mais je dois en avoir. Je vais chercher. Et je tiens juste à préciser que j'avais trois sabres et j'en avais un dans la bouche, parce que du coup, le troisième, il tient avec sa bouche. C'est assez lourd. Ça devait être lourd un peu, non? C'est un peu lourd. Ça fait pencher la tête un peu. Mais bon, c'est... Ah, mais c'est pas un fake, c'est un vrai sabre. C'est un faux sabre, mais il est en métal. Donc c'est... C'était des sabres factices. Ouais, des sabres factices. Pas aiguisés, mais en métal. Ça pèse son poids. Mais bon, c'est assez drôle à faire. Ça détruit la mâchoire, mais bon, c'est pas grave. Après, tu peux ouvrir la mâchoire, enfin, tu peux mettre ce que tu veux dedans, mais qu'importe. Bref, ça, c'était Rorona Zoro, c'est son deuxième homme. Après, il va recruter une femme. Donc, dans One Piece, il n'y a pas de sexisme, enfin, ou peut-être pas, enfin, pas là, en tout cas. Il recrute tous ceux qui veulent venir. Il va recruter sa navigatrice. Une femme aussi. Non. Mais on en recrute plusieurs. Bah, pour moi, bah, je m'en suis arrêté, on avait recruté qu'une. Mais bon. Ah ouais, mais t'es vachement au début. T'es vachement au début. Y a-t-il une parité? Non. Par contre, il y a quand même... Alors, attends, que je calcule. Il y a 4 mecs, un robot, 2 femmes, un animal et bientôt un homme poisson. Ah oui, d'accord, oui, donc c'est assez diversifié. Oui, c'est... Il y en a pour tout le monde. Enchiro Oda, il... y a un cuistot aussi. Bah, mais c'est un homme. Je l'ai compté dans les hommes parce que bon... Mais ça peut être un cuistot non genré, hein. Ça aurait pu être un cuistot. Ouais, mais on m'appelait souvent par le nom de ce cuistot. Quand j'étais jeune, quand j'étais en cuisine, on m'appelait Sanji. Parce qu'il s'appelle Sanji. Parce que j'étais cuistot à l'époque, quand j'étais jeune. Dans ma jeunesse. Ah, oh, c'était beau. C'est vrai que t'es vieux, jeune. Ouais. Oui, je suis plus très jeune maintenant. Mais on est jeune, c'est dans la tête. Ouais, mais on est plus jeune à partir de... À partir de 30 ans, on est plus très jeune, quoi. Oh. T'es dit, je t'en mets, bam. Bon, allez, bonne soirée. Non, mais avec Teddy, il a une conception de la jeunesse et tout ça, mais on verra quand il aura notre âge, Virginie. Ah, mais... En tous les cas. Là, Théo et Virginie, vous êtes en train de vous enfoncer un peu. Hein. Mais non, on s'enfonce pas. C'est juste qu'elle a totalement raison, Virginie. On peut être jeune, c'est la réalité. Peut être content. C'est ça. Ou à l'inverse, tu peux avoir 20 ans, mais avoir une mentalité de quelqu'un de 30 ou 40 ans, quoi. C'est exactement. Comme Teddy, par exemple. Oh, je pense pas. J'ai le monde, été vieux, mais. Teddy, il a 70 piges là. 70 au moins, ouais. Et il lit des mangas quand même. Bien sûr. J'ai des mangas, je suis un gamer, je peux pas être un vieux. Non. Vas-y, on joue dans les clichés. Non, c'est bon. On fera ça peut-être dans une autre émission. On va en revenir à One Piece. Il va recruter. Teddy, je t'aimais bien, mais là, tu vois, je descends dans mon estime. Je sais. En plus, je vais te dire, j'aime même pas le rock. Oh, bon, allez, bonne soirée. Yes. Alors, si, j'aime bien certains rocks, mais le rock japonais, par exemple, celui qui est utilisé dans les animés. Dans One Piece, il y a des groupes de musique, enfin, il y a de la musique dans One Piece, les génériques, les openings de mangas sont très célèbres. Ça fait un carton, et généralement, c'est du rock. C'est du rock japonais. Voilà, mais c'est un autre style, c'est pas pareil. Hop. D'accord. Pour revenir à One Piece, parce que, bon, ça fait un petit moment qu'on s'était... Le gars... Il est parti, il a recruté son équipage, il a recruté Nami, donc sa navigatrice, il a recruté Usopp, un sniper un peu le bras cassé de l'équipe, enfin, peu importe, Sanji, le cuistot, Nico Robin, l'archéologue, Franky, le cyborg, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais en oublier. Non, bah non, je n'oublie pas, c'est déjà bien. Il recrute son petit équipage et lui, son but, c'est de trouver le trésor du fameux roi des pirates, Gold Roger. Voilà. Donc il va partir en mer, trouver le trésor, mais il va, vu qu'il entame une carrière de pirate, il va rencontrer pas mal de problèmes, notamment avec d'autres pirates, notamment aussi avec la marine. C'est ce qui va faire force d'autorité, vu que la plupart de l'histoire se déroule en mer. Bien sûr, il se pose sur des îles, hein, mais... Voilà, il y a beaucoup de combats entre bateaux et tout ça. Et ils vont souvent se friter avec la marine. Voilà. Je vous en dis pas plus, parce que de toute façon, je vais pas trop vous en dire plus. Ils avancent dans l'histoire dans le but de trouver ce trésor. L'histoire n'est pas finie, mais elle est très bien construite, vu qu'il l'a écrit... comment dire, il l'a scénarisé au début. C'est l'un des rares à le faire. Ils sont pas tous à faire ça, mais il y en a, ils inventent leur histoire au fur et à mesure. Comme par exemple, le... Je sais plus comment il s'appelle, mais le gars qui a fait Fairy Tail, son histoire, au début, elle devait contenir que ça tenait dans 10 livres, 10 mangas. Il devait s'arrêter là, et vu que ça marchait bien, il a continué, il a prolongé son histoire. Ça marche, mais bon, ça, on voit quand même que c'est un peu redondant des fois. Là, dans One Piece, il n'y a pas ça, parce que c'est pas si redondant que ça. Il y a toujours du nouveau contenu, des nouveaux personnages... plein d'univers. Là, en ce moment, par exemple, c'est l'univers des samouraïs. Ils sont sur une île où que c'est jonché de samouraïs. C'est cool. C'est cool, les samouraïs. Bon. Ah, j'aime bien placer les samouraïs. Qu'importe. Donc moi, je vous encourage quand même à aller voir One Piece, parce que s'il y a un manga que vous devez aller voir le tout premier de votre vie, si vous devez aller en voir un, ça serait bien de commencer par One Piece, parce que c'est lui qui a détrôné Dragon Ball Z, qui était le plus grand manga au monde avant One Piece. Maintenant, c'est One Piece. Bah, dans les années 90, ouais, Dragon Ball et Dragon Ball Z, oui. Et il est resté longtemps. Il est resté très longtemps, Dragon Ball Z. Hein. Ouais. Il n'a pas été détrôné, mais One Piece est arrivé, ça a fait son petit chemin, et voilà. Maintenant, on en est à des chiffres assez vertigineux. On en est à 930 épisodes actuellement. Ah oui, ouais. Ouais, ça, c'est ça qui me fait peur, en fait. Ça m'attire un petit peu, mais je sais que je vais décrocher un moment, quoi. Pas forcément. Pas forcément. Je t'avoue que... Non, non, peur d'être pas trop jeune et de pas comprendre. Trop jeune et pas comprendre ? Ah, je pense pas. C'est des épisodes de 20 minutes ou c'est combien ? Bah, si, oui, ça doit être 20 minutes, comme tout animé classique. 900 épisodes, merci, ça fait beaucoup. 930. Effectivement. Ouais. Ah, et 96 volumes. Il faut 3 confinements là pour tout ça. Ouais. Ah bah, si vous avez un confinement et que vous savez pas quoi faire, One Piece, voilà. Si ça se trouve, le confinement sera terminé avant que vous ayez fini. C'est ça, ça se trouve. Oui, mais au pire, même si ça fait 900 épisodes, ça reste toujours quelque chose que tu peux picorer, genre des épisodes par-ci, des épisodes par-là. Oui. Enfin, il y a de nombreuses séries, à chaque fois, on est déçu que ce soit fini, et là, je pense que ça a l'avantage de pas être fini. Toujours. Oui. Ouais. Et le pire, c'est, comme tu le dis, Laura, c'est pas fini, mais en plus de ça, vu que l'histoire est très bien construite, c'est pas, tu t'y attends pas à la fin, tu sais pas encore ce qu'il va y avoir. On sait pas vraiment comment ça va se terminer, personne le sait. Parce que d'habitude, mais n'est-ce pas comme notre vie sur Terre, après tout. Oui, c'est vrai. Alors, comme notre vie sur Terre, on ne sait pas comment ça se termine. Par contre, il y a beaucoup de films ou séries, on sait comment ça se termine. Ouais, et on sait que ça va se terminer bientôt aussi. Oui, pour nous aussi, ça va se terminer d'ailleurs. Comme une des stars. Ouais. Si tu veux faire la transition, vas-y, je te relaisse la main. Ah non, mais il n'y a pas de souci. Non, je parlais pas d'émission, je parlais de... Bah merde. D'accord. Et puis très pragmatique, encore. Truc, quoi. Ouais. Ah non, si, c'est bientôt fini, hein. On va pas se leurrer. D'accord, très bien. Non, mais One Piece, non, mais tu l'as dit, si vous avez envie de vous mettre au manga ou aux animés, ouais. c'est une référence et vous serez pas perdu parce que vous pouvez demander à beaucoup de gens qui aiment les mangas et qui ont forcément vu One Piece aussi, quoi. Bah, demandez à moi. Demandez à Teddy. Teddy l'a vu, donc c'est un référence. Comment il a dit ça d'un air princier ? Demandez à moi. Évidemment, moi je l'ai vu, alors attendez. Alors qu'en fait, on est d'accord que tous ceux qui aiment un peu les mangas ont vu One Piece, hein. Alors la théorie voudrait que oui. Si la théorie voudrait que oui. Donc tu n'es pas tout seul sur Terre, on est d'accord. Non. Parce que du coup moi j'ai pas encore vu. Tu l'as pas vu mais tu as déjà vu des mangas. Et oui Martin. Ouais, j'ai un pote, il connaît tellement le manga que tu peux lui donner un numéro d'épisode au hasard et il te dit à peu près qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à cette époque là. Alors, ouais. Il est meilleur que toi, le pote de Martin, Teddy. Bah c'est parce qu'il a de la il a un truc que je n'ai pas, ça s'appelle de la mémoire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre ça, moi ? Donc toi, tu lis et tu craches, en fait. Pour toi, c'est infini, One Piece, en fait. Parce que, admettons, tu regardes les 900 épisodes, mais tu t'en souviens plus après, donc tu regardes tout depuis le début. J'exagère, mais... En fait, je dis à chaque fois, je dis souvent que je n'ai pas beaucoup de mémoire. C'est vrai comme c'est faux, parce que j'ai pas beaucoup de mémoire pour beaucoup de choses, mais j'ai de la mémoire pour des choses qui sont pas forcément les plus utiles dans ma vie. Comme les mangas, par exemple. Mais comme nous tous, hein, en même temps. Mais j'avoue que les mangas, j'arrive bien à les retenir. J'arrive à retenir l'histoire de One Piece, j'arrive à retenir des personnages, j'arrive à retenir des choses. Je pourrais dire à peu près... L'épisode 46 de One Piece. Justement, j'allais en venir. Je peux pas dire ce qui se passe dans les épisodes. Par contre, je peux te dire ce qui se passe dans les livres. Il y en a 96, je peux te dire à peu près... si tu me dis, je sais pas, 67, je sais à peu près où est-ce qu'ils sont. Alors, l'épisode 46, on est du livre. Eh ben, l'épisode 46, on est sur Grand Line. Et ils sont sur une île. D'accord. Bon, je ne pourrais pas vérifier parce que j'ai pas le ouais, mais je te parie que j'ai bon. Étonnant pour un pirate qui soit sur une île. Ouais, et je te parie que j'ai bon. J'en sais rien. Global. Je me suis jamais. Soit il est sur un bateau, moi. De quoi ? L'histoire. Soit il est sur un bateau, soit sur une île. Théoriquement, ouais. Ou les deux. Le bateau est sur l'île, enfin, c'est pas. Le bateau est ancré sur l'île, bah oui, tout à fait. Je pense que l'important. Oui. Je pense que l'important pour un manga, c'est pas forcément de retenir tout par cœur, mais c'est de le savourer et de le lire, quoi. Parce que tout retenir par cœur, c'est pas très intéressant. Comme, tout, hein, comme un film, comme plein de choses, c'est pas forcément de savoir qu'à la 42e minute, il se passe ça et avec des effets spéciaux. C'est pour ça que ça me. Passionné de cinéma et du point de vue technique. Mais sinon, c'est de savourer l'histoire et pourquoi pas la regarder, la re-regarder pour bien s'imprégner de l'histoire et de l'ambiance, comme tu le disais si bien tout à l'heure, Jolan, quand tu parlais de ton film. Et Martin aussi, c'est que ça fait beaucoup l'ambiance d'un film, au-delà du scénario, au-delà de la façon dont c'est filmé, etc. Quand on sent une atmosphère soit pesante, soit, enfin, peu importe la. L'objectif du film, et quand on est vraiment bien à l'intérieur et on a envie de voir le film jusqu'au bout, quoi. C'est beau. Pour rebondir beau. Sur ça, si t'es déjà fini, est-ce que Théo, toi, t'as un manga qui t'a passionné petit? Absolument pas, parce que je ne suis pas du tout manga. À l'époque, enfin, je sais que moi, quand j'ai grandi, c'était Dragon Ball Z à fond dans la cour de récré. Il y avait les cartes, il y avait tout un tas de trucs. Dragon Ball Z. Mais le pog de Dragon Ball Z, effectivement, ouais. Mais moi, ça me parlait pas, parce que moi, je regardais pas, ça m'intéressait pas, j'avoue. Ah bah alors, je suis vraiment vieille, je pense, parce que moi, j'en ai plein des titres. Je sais pas si Teddy connaît ou Martin ou. Bah vas-y, Laurent, balance. Même... On verra bien. L'utile amour et rock'n'roll, Max et compagnie. Je sais pas moi. Non, ça doit être les débuts. Rama et demi. Non. Ouais, Princesse Sarah. Olivier Tom. Ah, Princesse Sarah, c'est pas un manga. Candy, c'est pas un manga non plus. Pardon. Ranma 1,5. Ouais. Attends, j'ai pas entendu. Ranma 1,5. Ranma 1,5. Ouais, non. Non. Non. Moitié soleil et moitié pluie. Non. Bon, bref, il y en avait plein déjà avant. C'était juste pour vous dire que c'est pas du tout récent tout ça. Ah bah non. Ouais, il y avait Jeanne et Serge aussi. Oui, alors ça, oui. Ça, c'est connu. Effectivement. Ça, c'est une grosse pointure de l'époque. Pourquoi aller savoir. Quand t'entends les prénoms Jeanne et Serge, tu te dis qu'aujourd'hui. J'avais une copine dans ma classe, elle s'appelait Jeanne, elle s'en prenait plein. Et il est où Serge? Je peux comprendre. Je comprends, c'est plutôt les grands-parents qui s'appellent comme ça. Moi, ouais, c'est clair. En même temps, les prénoms reviennent à la mode, il y en a des petites Jeanne maintenant. Et où Jeanne? Figure-toi, j'en avais une dans ma classe, une Jeanne, quand j'étais en 6ème. Ah, toi aussi, ouais. Elle est soit en avance, soit en retard, quoi. J'ai une petite nièce qui a à peine 6 ans, elle s'appelle Jeanne. Aussi. Oui, mais maintenant, ça revient, ouais, les Jeanne, c'est un cycle, hein, comme tous les prénoms, mais quand les arrière-grands-parents sont décédés, du coup, il y a les petits... les arrière-petits-enfants qui prennent les prénoms. Parce que le petit frère s'appelle Louis aussi, donc c'est voulu, tout ça. Ouais, c'est historique, tu vois. Ouais, bah Louis, il y en a eu de toutes les époques, hein. Louis XVI à l'époque, mais maintenant, enfin, moi j'en avais un dans ma classe, hein, Louis, et il y en a de temps en temps, ouais. C'est un prénom intergénérationnel, ça. Ouais. C'est tout pas ça faux. Pour dire que Théo ne regarde pas de manga, d'accord. Ouais. Non, j'ai jamais été manga. Bah si, on a fait le tour déjà des autres. Si, Laura, t'as déjà regardé le manga? Bah en fait pas vraiment, enfin je me souviens à l'époque mon grand frère regardait Dragon Ball Z et moi je regardais à côté de lui sur le canapé, mais sinon non, j'ai jamais été vraiment dedans, je l'avoue. Ma foi. Elle était à côté mais pas dedans. Jolan, à côté de la plaque, quoi. Voilà, j'étais pas très pragmatique niveau manga. Jolan, on sait très bien qu'il en regarde quand même, il en a regardé. Je sais pas combien. Oui, j'en ai regardé. Pas, oui. J'en ai regardé quelques-uns. Enfin, des. Oui, bah. T'en as regardé quoi? J'ai regardé le premier manga, j'ai commencé par l'attaque des titans. Ah ouais, c'est pas mal. C'est un choix un peu space pour commencer par ça, mais oui. Je sais pas, moi c'est un ami qui m'avait conseillé en animé. Mais il a bien fait. Il a bien fait. Et puis après, j'ai enchaîné sur Tokyo Ghoul et en animé, voilà. Ouais. Je l'ai regardé récemment, Tokyo Ghoul. Ouais, il est de sympa. Ouais, c'est vrai, j'aime bien du coup. Il fallait voir Martin, toi. Martin, ouais. Moi je préférais les lire. J'avais commencé par Dragon Ball, après Naruto. Ouais. Et après, j'ai essayé quelques trucs, genre Shaman King, Fairy Tail, t'en parlais tout à l'heure. Ouais. Il y avait pointure. Pas Sailor Moon. Si, il y avait Sailor Moon. Sailor Moon, ah bah si. Ça, c'est une grosse pointure. Ah ouais, je sais pas, il y a pas. Alors, moi, je l'ai pas regardé personnellement. Je dois avouer que ça m'attire pas du tout des. Les gens qui font de la magie avec leurs baguettes, là, ça... Oh. J'en ai d'autres, Dr. Slump, forcément. Je connais pas du tout. Même époque que DBZ, c'est les mêmes dessinateurs, en plus. Ouais, bah... Le collège foufoufou. Oui, c'est la même époque, parfait. Ça, c'est ouais. Pas un manga. C'est pour ça. Le collège foufoufou. Le nom donne envie, hein. Le collège foufoufou, attention, attention, c'est fou, c'est fou. Winnie l'ourson. On pourrait taper dans les Disney. Non, mais vous voyez que ouais, il y en a plein si vous intéressez ou vous voulez vous intéresser un peu à l'univers du manga et pas que à l'univers pirate, mais il y a plein de choses pour tous les goûts. On peut commencer. Mais j'avoue que c'est quelque chose qui m'a jamais attiré. Et l'autre fois encore dans PK Avenger, tu nous parlais d'un manga qui était. C'était quoi ton manga, Teddy? Bah attends, PK Avenger, ça remonte à quand déjà? C'était avant la panique. C'était du foot. Ah oui, c'était Fairy Tail, je crois. Ah oui, c'était Victor Ipnikov, oui. C'était oui, j'ai prêté le manga à ton mari d'ailleurs. D'ailleurs, ils sont chez moi d'ailleurs. Ah oui, parce que Eric était présent, invité effectivement, et on avait parlé de ce manga et je découvrais en même temps que vous le manga mais même la lecture du manga en sens inverse. Voilà. Donc, mais ça m'attire pas vraiment que ce soit les graphismes ou le côté très japonais. Je sais pas. Il y a quelque chose qui me rebute un peu là-dedans. Mais regardais quoi petit du coup? Parce qu'il y avait que ça pratiquement quand j'étais petite moi. Bah non, mais je regardais peu de dessins animés. Mais moi, j'étais plus team Tom et Jerry, Cartoon, tout ça quoi. Ouais, ça, cartoon, en fait, c'est les années 60. Ça, Non, c'est encore en rétro ça, quoi. Ça c'est encore avant les mangas, avant l'avènement. Ça passait à la télé, attends. Je rejoins ce qu'il dit, Théo. C'est on regardait aussi Roger Rabbit. Oui. C'est du film, du dessin animé, enfin du cartoon. Même pas. Ça c'était et ça fait penser un petit peu aussi à The Mask. Et dans Roger Rabbit, on avait l'acteur qui joue dans Retour vers le futur. Oui. Qui est-ce qu'on avait aussi qu'est-ce qu'on avait de sympa à regarder aussi La Panthère Rose peut-être. La Panthère Rose, ouais, oui, exact. Mais tout ça, c'est pas des mangas pour le coup, c'est des dessins animés non. Qu'on avait des nous en France, qui viennent des États-Unis hein, évidemment. Mais c'est par ça qu'on a commencé en fait. Les enfants, c'est ce qu'ils regardaient à l'époque quand la télé a commencé, j'ai envie de dire. Quand il y avait eu des programmes télé pour enfants, c'était ça. C'est ça que ça a commencé et ça a perduré. Même moi, quand j'étais jeune, je regardais aussi La Panthère Rose et Tom et Jerry. Et ça doit passer encore, j'imagine. Je suis sûr que ça passe encore. Mais c'est par ça que ça a commencé. Les Fous du Volant aussi. Les Fous du Volant. Bah oui. Satanas et Diabolo. J'avais un chien qui s'appelait Diabolo. Pour te dire. En fait, en vrai, on pourrait parler pendant des heures de dessins animés, en fait. Oui. Et on a complètement oublié le thème pirate. Ouais. D'accord. Si, on est des pirates parce qu'on est hors créneau horaire. Ouais. Exactement. Ouais. Et pour une émission qui à la base devait se terminer à 23h, on a largement dépassé de quasiment une heure. Mais c'est pas grave parce qu'on est là pour vous accompagner et on était très heureux de faire cette émission pirate avec vous ce soir. On a fait un petit peu le tour, même s'il y aurait encore plein de choses à dire hein, sur nos amis corsaires pirates et compagnie. Nos amis, je suis pas sûr. Mais on a abordé les sujets qu'on avait envie d'aborder. Et d'ailleurs, tu parlais de pirates, Teddy, pour le thème de cette émission. On aurait pu aussi élargir à tout ce qui est. On en a brièvement parlé tout à l'heure, mais tout ce les qui hackers. Était. Pirates de l'informatique, l'internet, les hackers, hein, les fameux, et on aurait pu aussi dériver, si je puis dire, sur cette trame-là aussi. Voilà, ça sera peut-être l'occasion d'une prochaine émission. Prochaine émission, ce qui est sûr, c'est qu'elle sera lundi sur Indestar à partir de 21h. Alors, on n'a pas encore le thème à vous donner, mais peut-être qu'on parlera du confinement, tout simplement. Et d'ici là, on va vous souhaiter un excellent week-end, excellente fin de semaine. Profitez bien, reposez-vous. Surtout faites attention si vous devez sortir, hein, voilà, règles d'hygiène, tout ça, compagnie. Et on va terminer par une musique qui est un groupe de musique, Ends and Approach, qui a fait un featuring avec, devinez, Anna Free. Oui, non. Bravo, c'était Anna Free. Black Tears sur Indestar. On vous souhaite une excellente soirée et on se dit ciao et des gros bisous, monsieur. Salut. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.